Wesh cousin, c'est MC Tu Kiffes, le rappeur qui casse tout. Et moi j'écoute Actu Solite le lundi soir parce qu'il y a du bon son, t'as vu? Tout le monde écoute Actu Solite. Actu Solite sur Indestar. C'est foué. Et ouais, nous on est sur Actu Solite, t'as vu? Et c'est... on parle plusieurs langues parce que c'est foué. Ouais. Ils disent quoi? C'est foué? Ouais, c'est foué. Ça doit vouloir dire c'est parti. Mais non, c'est pas comme le saucisson là, le foué. Le saucisson. Tu as pensé à la rien à voir. Non, parce que j'ai faim en fait, j'ai pas mangé depuis. Il y a des Ferrero Rocher de l'autre côté. Non, mais j'ai mon risotto normalement à manger, mais on verra ça pendant la pause vite. Risotto, Ferrero Rocher, à toi de choisir. Mais oui, mais justement, entrée et dessert. Ouais. Et Clémentine a mangé tout à l'heure parce qu'il me semble que le record porte là-dessus, Jojo. Tu crois vraiment qu'elle va choisir entre Ferrero Rocher et. Ferrero Rocher. Elle a du mal, elle a tout loupé aujourd'hui. Attendez, on n'a pas fait notre petit lancement là. C'est quoi le lancement? Ah oui, c'est vrai, le lancement où tout le monde parle. Bah oui, bien sûr. Attention, ça commence par quoi déjà? Ah oui. Bonjour tout le monde, vous écoutez Actu Solide sur Indestar de 21h à 23h. À peu près. À peu près. Toujours bien précisé. À peu près, hein. On sait pas trop à quelle heure on va terminer. On peut déborder comme nos 6 kilos en trop. Ah non, mais voilà. Ça parlait pour vous. Hein. Non, vous en avez au moins 8 ou 10, ça prend à perdre. Exactement. Ah, moi j'en ai 6, c'est le médecin qui me l'a dit. Ah, toi aussi? Oui. Putain, mais on a tous 6 kilos à perdre ou vous ça êtes copains de régime. Non, comment on dit de. C'est quoi le nom qui s'appelle Du coup, je vais peut-être attendre le record pour les clémentines. Ça sera mon repas. Est-ce que j'ai le droit de dire que si vous voulez nous regarder sur Twitch maintenant, et ben c'est parti. Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez voir nos sales gueules sur Twitch. Ouais. Nos sales gueules, arrête, on est beau. Bah... pas tous. Toi, t'es pas très beau. Là ça va. Moi, je m'aime comme là, je suis. Là, ça va, là, ça va pas. Là, tu montrais qui, là, en disant ça va pas? Allez, bah, vous deux, là. Mais quel con, celui-ci. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Alors, non, pas le week-end, mais le début de semaine était cool. Bah, moi, je suis en vacances. Oh, ah, merde. Ça y est, c'est pour ça que t'es compté d'humeur de gaieté ce soir. Apprends à parler aussi. Ouais, ta gueule, toi, là-bas. Apprends à t'opérer correctement, on en reparle. Non, parce que mais tu veux prendre ma place. Laisse-la parler, elle va te goumer. Ça va vite parce que je me dis, bah j'ai plus que à la fin de semaine, tu vois, mes vacances sont terminées. Oui, donc c'est déjà oui, mais t'as le temps de souffler, faire la grasse mat, tout ça. Ouais, bah oui, dimanche, je me suis retrouvée à laver ma voiture. Lundi, à laver ma maison. Non, attends. Je suis désolé de savoir que tu vis, écoute. Hein, non, dimanche, tu m'as appelé, je sais plus quand est-ce que tu m'as appelé, mais tu m'as dit, ouais, dimanche, j'ai rien glandé. Je voulais faire. Non, j'ai fait ma voiture. Ah oui, c'est quand même. J'ai rien glandé. Non, c'est quoi, on s'est appelé lundi? Ouais, je crois. On est resté presque 2 heures au téléphone. Bah, 2 heures? Ouais, je te jure. Vous avez raconté quoi pendant 2 heures? Il papote, hein. Non, genre, c'est moi. Moi, généralement, je pose le téléphone à côté, je fais mon tour de maison et après, je reviens. T'es toujours là? C'est toi qui parlais. On devrait compter le nombre de mots. Et oui, du coup, pour le top horaire, Théo, vous avez dit que je suis en plastique ce soir. Oui, en plastique, c'est plastique Bertrand. Plastifié. Non, c'est parce que je me suis fait tatouer. En fait, je suis rentrée là, il y a 5 minutes dans le studio. Vas-y, montre ton bras à la caméra. Ouais, je sais pas si on va voir. Ouais, si on voit. Si on voit que c'est en plastique, hein, ça. On voit qu'il y a un petit problème. Et je suis rentrée quand même il y a 5 minutes hein, du studio. Ouais, elle est arrivée. Et d'ailleurs, vous avez pas vu, ouais, parce qu'en off, il s'est passé un truc. Théo a racheté une nouvelle télé parce que, oui, je l'ai cassée la semaine dernière. Oh, Amélie a fait faire une boulette. Elle est arrivée en mode bourra. Putain, je suis en retard. Elle a poussé le fauteuil. Vous aurez vu. Heureusement que je l'avais bien encadré. Non, mais surtout la gueule de Théo. Genre, j'ai cru qu'il allait me niquer. Théo, il est devenu blanc comme un âge. Il a fait non, pas la télé. Elle a juste bougé 5 cm sa télé, il va pas me casser les couilles là. Maintenant je suis très à cheval sur les écrans. Et bah elle a rien à foutre là, la caisse là-haut aussi. Oui, alors il y avait pas, alors pour sa défense, il y avait pas les bonnes vis. Ouais, c'est ça. Je m'en bats les steaks. J'ai voulu la mettre, j'ai été obligé d'aller chercher un tournevis auprès de personnes habilitées. On peut dire que t'es à cran. Écran. Oh putain, elle est chiante. Ouais, j'en ai fait des meilleures. C'était un peu pourri. Donc voilà, donc je me suis fait 4 tatouages aujourd'hui. Ça va, pas trop mal? Non, mais après c'est un bébé tatouage, j'en ai un. Il est c'est un bébé tatouage. Un bébé tatouage, il fait 30 cm non, ton machin. Non, non, alors là ça fait 17 cm. Ouais, bah 17 cm, excuse-moi, c'est pas un bébé tatouage. Ça, ma petite lune là, c'est un bébé. Ouais, et encore avec mon tatoueur, on se regarde et il me fait je te ferai bien un croissant. J'ai putain, ouais, de fou. Mais et pourquoi du... Parce qu'en fait j'ai une lune sur l'épaule et ma meilleure amie elle a le soleil. Parce qu'elle elle préfère le soleil, moi je préfère la lune, voilà, c'est mignon, c'est tout chou. Et en fait je me suis dit, il me fait un petit croissant et tout, je pourrais t'en faire. Je fais mais carrément. Mais un pain au chocolat à côté. Tu mets un café à côté du croissant. Mais non, mais vu que c'est avec ma meilleure amie, tu vois, genre vu que c'est la lune et le soleil, tu vois, je peux pas le changer quoi. Sinon, je pense que j'aurais fait un croissant. Ça se trouve, dans 6 mois, ça sera plus ta meilleure amie. Tu aurais fait le yin et le yang quoi. De toute façon, si dans 6 mois c'est plus ma meilleure amie, c'est juste une lune et j'espère que ce sera encore ma meilleure amie dans 20 ans encore. Ah. Déjà que tu vas pleurer quand t'en parles. Non. Ma meilleure amie. Elle est T'es là, elle est pas. Bon, sinon, vous avez passé un bon week-end ou pas? Non. mais non. Pourquoi non, non mais clairement on s'en fout, on est là pour de la bonne humeur. Oui, alors voilà. Pourquoi t'as passé un week-end de merde? Mais parce que mais voilà, il a pas envie de te l'expliquer. Ah, moi je veux bien parler de mon week-end. Non, toi on s'en fout. Vas-y, ton week-end. Il est pas plus intéressant que le tien. Et je suis excitée comme une puce, j'ai envie de jouer. Moi, samedi soir je fais un petit loto. Oh la vieille. Sauf qu'il y avait des gens. On s'est cotisé pour les 75 ans d'Anaïs. Hein. Il y a des gens qui parlaient à côté, mais genre quand ils disent des numéros, c'est chiant. Des fois, t'es pas concentré. Non, mais le loto en lui-même est chiant. Ça mais non, qui, pas qui du va tout. Au loto, putain? Bah, moi. Oui. Et mais c'est vraiment. T'as quel âge? T'as les gens à côté de moi. T'as quel âge? Genre, je peux parler, s'il te plaît? T'as des gens à côté de moi, ils parlaient et tout, j'en avais marre. Et t'as une meuf à un moment, elle fait: mais ils ont dit quel numéro? Oh, je t'ai sorti un, fallait, t'avais qu'à écouter. Ma mère, elle me regardait en mode: bah. Ah oui, ouais, c'était un peu pourri. Ça t'a pas un truc de loin, Non, pas là. Tu as été avec maman et Lilian. Parce que maman, elle m'appelle, il y a ma mère qui m'appelle, elle me dit pas: t'aimes bien les lotos? C'est pas ton délire. Le truc de vieux, tu restes assis comme ça en attendant. Et bingo! Non, mais à la fin, c'était long par contre. Bah ouais. Mais c'est trop nul, c'est trop nul. Je vais jouer. Oui, vous voulez jouer? Ah, et tu peux nous laisser un petit peu. Ouais, mais on a pas parlé de nos week-ends, nous. Non, la merde. C'était pas très intéressant, toi, Jolan. Moi, je veux jouer. Je suis excité comme une puce là. Alors, vas-y, Jolan, qu'est-ce qui s'est passé durant ton week-end? Alors, tu peux aller faire réchauffer mon repas, Le risotto. Va faire chauffer ton risotto. Fais attention à la télé. Va faire chauffer ton risotto. Attention à la télé. Attention. La télé, c'est bon. Voilà, ça passe. Ça passe. Malgré les 6 kilos en trop, ça passe. Les fesses, c'est passé. Les fesses sont passées. Ah, plein de doigts. Alors, oui, ce week-end, qu'est-ce que je fais? Plusieurs trucs en vrai. Et tout ça pour ça, j'étais en train de réfléchir à ce que j'étais en train de dire. Alors. Il faut pas. Ouais, du coup, je me suis pas mal baladé ce week-end parce qu'il a fait beau. Ah oui. Sauf dimanche, je crois. T'as regardé dans le sac plus... Je sais pas, dimanche, il faisait pas beau dimanche. J'ai le souvenir qu'il y avait eu mauvais temps dimanche. Non, il fait beau sur toute la France en ce moment, c'est cool. Enfin, bref. Ouais, du coup, gros projet en cours là en ce moment avec les copains. On a ouvert un serveur roleplay. Alors, on est sur des jeux vidéo. Sur des jeux vidéo, oui. T'as ouvert un serveur? Enfin, pas moi, on a ouvert, parce qu'on est toute une équipe à avoir ouvert le serveur. Mmh. Et du coup, il s'appelle Airborne RP, le serveur. Ouais. Donc, il est tout nouveau, donc on est en train de Et ça consiste en quoi? En fait, c'est d'avoir une communauté et puis. Ah, c'est juste. En fait, non, mais en gros, c'est pas un salon de discussion. Le roleplay, je t'ai déjà expliqué. Ah oui, tu fais mine que t'es flic et en fait, t'es pas flic. Voilà, en gros. J'ai compris. Tu incarnes un personnage. Voilà, en gros, c'est ça. Et du coup, t'as des joueurs qui font soit du légal, de l'illégal ou du civil. Ok, mais t'es toujours dans GTA? C'est toujours dans l'univers de GTA 5, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, très bien. Et du coup, il y a des règles à respecter et puis on cherche des gens à qui faire passer des whitelists. Mon repas est prêt. Voilà. Bien. Bah, si vous voulez rejoindre le. Ouais. Il s'appelle comment ton serveur? Airborne RP. Comment? Airborne RP. Ah, moi, le mien, il s'appelle Henri. Henri? Mon serviteur. Ah oui, c'est vrai. Pas un serveur, c'est un serviteur. Moi, je l'ai enfermé dans la chambre froide, le serviteur. Ah bah oui, c'est comme à l'époque de Lara Croft, là, dans Tomb Raider. Je faisais la référence. Oui, alors, ce soir. Je vous file des casques de chantier parce que vous allez partir en Angleterre, dans le Yorkshire. Est-ce que tu sais où c'est, Adam? Un chien? Le Yorkshire. Non, le cul d'un chien. C'est au milieu de l'Angleterre. C'est vrai, c'est au milieu de l'Angleterre. Personne n'a compris ma blague. Si, le Yorkshire, le chien. C'est bon, j'avais la blague chien. Tout à l'heure. Ah, ok. Et bien là-bas, il y a le parc de Diggerland où on peut s'amuser avec des machines de chantier. Genre, en gros, on fait des trous, il y a des parcours d'obstacles avec des pelleteuses, tout ça. Sauf que jeudi dernier, un visiteur du parc a trouvé un cadavre enterré sous une motte de gravier. Voilà. Dans une motte de gravier? Oui, c'est-à-dire que tu sais, il s'amusait avec la pelleteuse parce que tu peux t'amuser à déterrer et là, hop, un cadavre. Voilà. Ça change de la terre. Alors l'assassin, il est pas très malin. Il s'est fait chier à enterrer le cadavre. C'est pas faux. Alors, une autopsie qui a été faite depuis, il s'avère que cette pauvre femme, c'était une femme, était la veuve de Jack. Qui avait été jusqu'au mois d'octobre en charge d'entretenir les machines du parc avant de mourir le jour d'Halloween, électrocutée par les décorations du parc. Elle a pas le temps, donc en fait elle a perdu ses deux maris, quoi, si je comprends bien. Non, elle est morte et son mari est mort aussi. Ah oui, ok. Elle a perdu ses deux maris. Et d'ailleurs, Jack, depuis qu'il est mort le jour d'Halloween, on l'appelle Jack aux lanternes. Bon, bref. Mais l'heure n'est pas à la vie. Sors, dégage. T'arrives à faire des trucs de merde, vraiment. Ouais, je l'écris vraiment. Vous allez devoir enquêter pour retrouver non seulement le coupable, mais aussi son mobile et l'objet qui l'a tué. Son mobile? Ah ouais, chaud. Oui, mobile, c'est-à-dire pourquoi elle l'a tué. C'est pas un mobile home. Pourquoi elle a été Ou le mobile, le téléphone. Non, mais j'avais compris. Et tu veux ton cellulaire. Bon. putain. Bref, voici vos passeports et vos billets de ferry pour arriver à bon port. Merci. Ouais. Bien fait, ça aussi. Bon, on joue à chanter maintenant. Ah ouais, carrément, quoi. Ouais. Allez, bah vas-y, go. Non, s'il vous plaît. Un aspirine. Chant des migraines. Et un aspirine. Dans ce rap, ils sont arrivés les mains dans les poches. Je l'ai répété. Ah oui, parce que t'étais pas là. Ah non, t'étais pas là. Il nous a fait un concert privé avec. Oui. Ah bah heureusement, j'étais pas là. T'étais très très privé. Bah je sais plus. Ouais, elle t'a kiffé. Ils étaient que tous les deux dans le studio. On chante. Et on va chanter avec des chansons anglaises. Ouais, des chansons anglaises. Oh bordel. Ouais, donc voilà. Déjà pour les françaises, comptez pas sur moi. Alors du coup, je vais vous proposer directement le titre de la chanson. Ah. Je suis désolée pour l'accent anglais. Quoi ? Pourquoi tu me... Donc, vous ne buzzez pas. Voyez à l'écran ce que je fais sur Jolan. J'essaye de compter sur lui, ça marche très bien. Pardon. J'ai pas compris. Bah, tu regardes. 1, 2, 3. J'ai pas dit oui, à ce que tu me dis. Il a dit on peut pas compter sur moi. Ah putain. J'essaye de démonter l'information. Alors, donc vous ne buzzez pas. Il y en a une, je suis sûre que tu vas mettre. Vous ne buzzez pas, vous ne levez pas la main. T'as la réponse. Oui. T'hésites pas, tu on chante. Ok. Premier, contrôle. Contrôle. Ah, c'est pas ce qu'elle chante. Franchement, c'est pas ce qu'elle chante. Si, je vois, putain. Madonna. Non. Contrôle. Ah, putain. Qu'est-ce que c'est que ces chansons là? C'est pas, mais ça me fait mal aux oreilles. Mais si, je la connais, on l'écoutait tout le temps. C'est pas du pop rock des années 80. Ok, je vous la fais. I don't wanna lose. Contrôle. Ah oh, putain, j'avais... c'est de la musique trop moderne ça. J'avais du contrôle. Mais attends, je cherche quand même. Animal. Tu peux baisser le son de mon casque s'il te plaît? Non, baisse d'un ton. C'est Zoé Wiss. Ah. C'est toi le ton. Madonna, c'est Good Control le titre. T'étais pas encore. J'ai un demi-point quand même. Non, bah moi aussi parce que j'ai dit contrôle. T'as juste dit contrôle. Mais alors, j'avais ça dans la musique. Et t'aurais pu faire contrôle de maths. Oh putain, c'est dur. Et dessin. Art plastique. De maths et dessin. Maths et dessin. Oh putain. Oh le jeu de mots. Allez, balèze. Pas mal. Oh, c'est bon, je valide. Deuxième chanson. Stand up. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je pensais que vous... Stand up, everybody! Non, j'en ai une, mais... It's a song party! Putain, mais je pensais que vous y... Que mais vous non, mais c'est pas des titres connus, ça, bah, stand-up. Bah quand même, c'est de Cynthia Erivo. Mais connais alors, pas Erivo. Moi, stand-up, j'ai pensé à Bob Marley, Moi, je connais les Erivo. Stand-up, nalap. Non, ouais, en gros, là, ça fait... Stand-up, take my people with me. Ah oui, ok, mais va savoir ça, toi. Je connais pas de machine Erivo là. Mais non. Ah si, elle est très bien. Bon, cette fois-ci, vous allez la voir. Je crois qu'il faut que tu restes sur les françaises parce que les anglais, je suis pas. Mais non, mais mets des bons titres. Des titres de rock, des trucs. Pas des trucs de. On connaît pas. Bah quand même, c'est des chansons assez connues. Ah non, non. Non, je connais pas non plus. Je rejoins Théo, je connais pas. Bah quand même. Jamais. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ouais, enfin bon, c'est Alléluia. Alléluia. Alléluia. J'avoue que là, vous vous prenez pas la tête. D'ailleurs, moi perso, j'écoute la. Pardon, j'écoute. Par contre, moi, vous voyez. Alléluia! Elle a coupé. Alléluia! Voilà. Ils sont intenables. Oui, c'est vrai. Par contre, moi perso, j'écoute Ça me gratte la gorge. J'écoute la reprise de Pentatonix. Ah oui. Qu'on pourrait si passer sur Indestar. Il y a des Pentatonix qui est déjà passé sur Indestar. C'est un groupe de 4 garçons. Ouais, ils font tout. Et une fille. Avec la et voix. Ils ont des voix de. Ils font malade, tout à cappella. Tout à fait. Et ils ont des voix. Enchaîne. Ta gueule. Ils ont des voix. Quatrième chanson. Because of you. Because of you. Because of you. I need to know. C'est pas exactement ça quand même. Je vais même, rester hein. sur le français. C'est pas exactement ça. Non, mais c'est... en français, c'est pas mieux. Bon, bah, du coup, je pense que tu connais pas la dernière qui est vachement connue en ce moment. Bah, bon, je la connaissais, Kelly Clarkson, celle-là. Ouais, mais tu connaissais déjà pas Control, hein. Bah, non. Donc, dernier. A, B, C, D, E, F, U. A, B, C, D, E, F, U. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. C'est quoi ces merdes? Bah, c'est une chanson qui est sortie il y a pas longtemps. Bah, oui, mais vous me prenez des trucs trop récents là. Il faut savoir, tu voulais des chansons anglaises. Mais oui, mais. Tu sors des chansons anglaises. Des choses bien. As a winner of the day, Amelie. Amelie. Est-ce qu'il y avait une seule chanson de rock dans ton truc? Non. Mais on s'en fout du rock, bah tu proposes une chanson. Mais t'as même pas pris le nouveau titre d'Avril Lavigne. Mais si t'aurais, elle aurait dû prendre Radioactive, Radioactive. Ah, ça je connais. Na, na, na, na, na, na, na, na, ça je connais. Oui bah hey, on peut pas tout avoir dans la vie hein. Bah dans Bury me, don't let me down. Don't take me over. Honestly under. On va, vu que je vois que vous êtes à fond les oui, gars, c'est vrai qu'on est un peu trop à fond. Peut-être qu'on écouterait de la vraie musique, ça serait ah pas ouais, beau, hein. Franchement, en plus ça, celle-ci elle me fait. J'ai oublié de vous dire les gens. Non mais attendez, important. Non mais laisse-la dans ses sentiments de. Non mais ça fait... j'ai oublié de leur dire. Baissez les écouteurs. Ah juste pour ça quoi. Ah tu m'as. Non mais c'est trop tard, hein, c'est trop tard. Du coup, après question pour un concon. Oui. Mais juste avant. Ouf. Mais avant. Comme si c'est quoi n'existait pas. Attends, tu peux mettre un peu de réverb. Ah non, tu vas être trop tard. Et, oh, et tard, c'est qui chante ça? C'est Khaled à la au début. Oui, non, mais oui, mais là le vrai. Bah, la personne. Allah Wardi. Allah Wardi, Aïcha, c'est la bonne. Actu solide, 21h, 23h le mercredi, uniquement sur Indestar. Dans la vie, c'est important. Je la connais, celle-ci. Pourquoi on a de la réverb? Dans la vie, c'est important. Mais y'a pas rêver. De quoi tu parles? Dans la vie c'est important. De toujours de rester content, content. Comme t'aimer ta maman. Dans la vie c'est important. De toujours rester souriant. Ah on aime ce genre de musique sur Indestar. La YOLO musique. La YOLO musique. Parce qu'à un moment donné on dit bah YOLO. Ouais, YOLO, c'est une musique que quelqu'un a fait comme ça. Il s'est ouais, dit. C'est bon, On dirait pas Titeuf. C'est bon. Non, un petit peu quand même. Si, ça ressemble un peu, je trouve. D'accord. Vous l'avez compris, Actu Solide sur Indestar jusqu'à 23h à peu près. On est là, on ne bouge pas. Bah, aussi. Sauf pour aller manger mon repas à la pub. À la risotto. Ouais, mais c'est un peu ça, je me suis. Brûlé. Ouais, je me suis brûlé la langue. Ouais. Mais ça m'empêche pas de parler. Jolan a essayé la cafetière tout à l'heure. Et c'est pareil, il a failli se brûler parce que la cafetière a fait du café qui est chaud. Ah oui, forcément. Bah non. Par contre, t'aurais pu enlever le prix sur la télé ou le passe-bar. C'est vrai que parce que c'est un peu relou. C'est pour dire que c'est neuf. Voilà, donc si je me trompe, c'est ta faute. Hein, on peut pas être partout, parfait partout. Ils sont pas un pourquoi t'aurais besoin de la télé? Alors, l'équipe, oui. On dégage. Ouais, et moi, j'ai fait venir mes superbes candidats de ce soir pour question pour un concon. Mesdames, messieurs, elle est drôle, elle est sympa, elle vous enjaille chaque semaine sur Indestar et elle est enrobée de questions à vous poser. Amel pour... Question pour un concon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez très bien dans ce nouveau numéro. Question pour un concon avec Henri ce soir, bien sûr, avec moi. Bonsoir mademoiselle Amélie, oh je suis ravie d'être là ce soir. Moi aussi, je suis ravie. Que Riva. Vous avez un beau tatouage mademoiselle Amélie. J'en ai pas qu'un. Oh je suis... Faudrait que je te montre les autres, du oh, coup. Oh oui. Ah oui. Donc, vous avez compris, comme toutes les semaines, jeu question pour un concon. Tu m'as perturbé, Henri. Un jeu de questions, hein, je vous le cache pas, en trois manches. Et du coup, on va commencer par la présentation des candidats. Nous avons Bertrand avec nous ce soir au fond de la salle. Et bonsoir. Bonsoir Bertrand, comment ça va? Très bien, et vous? Oui. Tu as 42 ans, c'est ça? Oui, apparemment. Pardon, j'ai eu un petit rototo qui me bloquait la gorge. Ah bah dis donc, très cher. Vous êtes pêcheur d'aimant professionnel. Oui, et j'ai d'ailleurs dégoupillé une grenade il n'y a pas longtemps. Ah, c'est pour ça votre gueule. Ah non, c'est peut-être naturel. Non ah. Et du coup, apparemment, vous passez votre temps à restaurer les objets pour les laver. Ce sont vos enfants qui s'y collent. Bravo. Oui. Genre l'esclavage enfantine. Ça sert à quelque chose d'en avoir. Hein l'exploitation. Nous avons Julie avec nous. Bonjour. Bonsoir. Julie. Oui, bonsoir, excusez-moi. Vous avez 33 ans. Ah, vous faites plus vieille quand même. Ouais, c'est ah, excusez-moi, parce que vous, apparemment vous n'acceptez pas de vieillir. Et donc vous faites croire à tout le monde que vous n'avez que 23 ans. Mais je n'ai que 23 ans, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Henri, elle fait jeune, elle est très jeune notre candidate, c'est elle ça. Elle fait entre les deux, je dirais. Voilà. C'est très gentil en plus, genre je prends soin de ma peau, de la crème hydratante, des fossiles pour faire bien attention à l'arrondissement. J'avoue que c'est un peu de l'arnaque. Cela dit, sachez que les filtres Instagram ne sont pas valables dans la réalité. C'est ce que vous dites, moi je trouve que ça me ressemble. Enfin bref. Quel est votre charmant prénom ? Rappelez-moi. Julie. Ça s'appelait souvent Julie, hein. Il y a beaucoup de Julie. Non. Et ce soir aussi, nous avons Elliot avec nous. Hey, bonjour. Tu as 38 ans, c'est ça ? Et apparemment, tu ne supportes pas l'été, donc bientôt tu vas hiberner dans ta chambre froide pendant 2 à 3 mois. Ouais, c'est dur. Parce que on me supporte pas quand je parle. Je comprends, vous avez oublié de muer peut-être. Bah c'est pas ça, c'est que je sais pas, la voix qui correspond pas à ce qu'on les standards dirait de la société quoi. Ouais, je peux comprendre. Et du coup, a gagné ce soir un magnifique porte-clés Indestar. Oh bah oui, tout à fait, un porte-clés dédicacé par votre animatrice préférée, mademoiselle Amélie. Est-ce qu'il y a une petite licorne? J'aime beaucoup les licornes. Non, il y a pas de licorne. Je trouve que ça me rajeunit un peu, vous voyez. Ça me rend jeune. Voyez pas les licornes, moi. Non, on se calme, on va passer directement à la première manche, hein. Alors, le principe est simple, je vais vous poser 3 questions et 3 propositions de réponses, et puis à vous de me donner la bonne réponse sur l'ardoise. Et vous jouez pour... Question pour un con-con. Ah, c'était pas trop mal, sentez qu'il y avait une seconde d'absence quand même. Et ça se sent qu'on a envie de jouer, allons-y. Oui. Alors, première question. Quelle ville a construit le premier métro ? Petit A, Londres. Petit B, Paris. Petit C, Madrid. À vous de me noter sur l'ardoise. Alors, nous avons du C, du A, et la bonne réponse c'était Londres, c'était le A. Ah. J'ai gagné. Et nous avons Bertrand qui est toujours à la ramasse. Et hein, ben Bertrand, effectivement, Bertrand, vous êtes un petit peu derrière pour le moment. Ah. Mais ça peut changer. Rien n'est joué. Tout est possible. Alors, deuxième question. Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain dans une équipe de baseball ou de basse-balle? Ça dépend comment vous le dites. Est-ce qu'on peut considérer une équipe de baseball comme basse-balle. Une grande partouze finalement? Ça peut être possible. Mais dans ces cas-là, dans tous les jeux, il y a une balle. Non, mais c'est le baseball. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, je suis trop jeune pour connaître vos blagues. Petit A, 9. Petit B, 11. Petit C, 13. 9. 11, 13. 9, 11, 13. Alors, nous avons du 9 joueurs. Nous avons du 9 joueurs aussi pour Bertrand et Julie. Et nous avons... 11, il marque 11, hé. Du 11. Oui. Eh ben non, c'était bien la réponse A. 9. Merci. Bah bravo, vous êtes fiers de vous. J'ai un point. Elliot, bravo. Alors, ça fait un point pour Bertrand. Pour Bertrand. Et bravo, un Bertrand. Point pour Julie. Bravo, Julie. Vous maîtrisez le game avec 2 points pour le moment. C'est un sans faute. Et il me semble que nous avons un troisième candidat qui s'insère maladroitement dans ce jeu. Est-ce que notre candidat, Elliot. Non, c'est Elliot. Oui, c'est Elliot hein, qui est avec nous. Elliot, vous êtes là? J'ai pas l'impression qu'Elliot est là. Peut-être que. Attendez. Petit problème technique. Henri va nous gérer tout ça et en quelques secondes va nous trouver d'où vient le problème. Ah non, peut-être pas. Ou peut-être si. Bah un peu plus de quelques secondes en tout cas. Ouais, ça c'est sûr. L'ordinateur rame un peu. Du coup, ce qu'on me fait complètement bugger dans mon jeu. Bah oui, parce que ça l'a détruit entre, tu vois. Bah oui. Ça l'a perdu. Ah. Elliot, êtes-vous là? Oui, je suis là. Ah, il a changé de voix, Elliot, en quelques minutes. Vous avez mué. Oui. Non, mais parce que moi, c'est Elliot. Et lui, c'est Elliot aussi, c'est un autre candidat. Ah oui, ok. Oui. Ok, d'accord. Ah, Elliot. Oui. Oui, oui. Elliot, tu vas nous aider juste pour la première manche, ça te va? Oui. Attention, question numéro 3. Quel est l'animal avec la mémoire la plus puissante au monde? Petit A, l'éléphant. Petit B, le singe. Petit C, le chameau. La plus puissante, qu'entendez-vous par là? Bah une bonne mémoire. Mm-hmm. Une bonne mémoire A. On dit une mémoire d'éléphant, cela dit. Oui, mais ça peut être un piège. C'est vrai. Voilà, merci Henri. Nous avons du B, donc nous avons du singe, nous avons du singe, et nous avons de l'éléphant. Et qu'est-ce qu'il dit, Elliot, l'autre ? Moi, je dirais du B. Eh ben non, c'était la réponse C. Le chameau ? Oui, le chameau, apparemment, a la mémoire la plus puissante. Qui a marqué correctement ? Personne. J'ai mis A, moi. Non, zéro. Personne n'avait la bonne réponse. Moi, j'ai mis le singe parce que je me suis dit que c'est connu pour que ce soit intelligent, donc peut-être qu'il a une bonne mémoire. Tu rigoles ? C'est super intelligent. Ah, c'est très intelligent un singe. Attention, sachant que l'homme descend du singe. Ah oui, tu parles de l'orang-outan, oui, d'accord. Bah, un singe en général. Bah, un singe, oui. Ouais. Ok. Les scores, Henri ? Eh bien, nous sommes toujours au même score finalement. 2 pour Julie, 1 pour Bertrand et 1 pour Elliot. Donc, il me faut une question pour départager. Il faut une question de départagation. Donc, moi, ça va, je joue ? Eh bien, vous non. êtes sûr d'aller vous êtes... effectivement non, ben, en oui. deuxième manche, tout à fait. Attention, c'est une question qu'on a déjà faite, mais. Ah. Mais bon, ça déjà connaissant fait... Bertrand, je pense que ça passera pas. En même temps, c'est du recyclage. Voilà. Anne Hidalgo serait très contente. Alors, quel est le muscle le plus puissant du corps humain ? Ah oui. Non, on l'a déjà fait, je me Petit A, la langue. Petit B, le grand dorsal. Petit C, le grand fessier. Ah Petit doute. Le doute t'habite. Ah oui, le doute t'habite. Ah oui, c'est plus un fessier. Nous avons du A pour Bertrand. Ah. Et nous avons du... Vous pouvez pas écrire. Du B. Vous avez dit quoi ? Les fesses. B. Et oui, du coup, Elliot part en deuxième manche. Voilà. Oui. Et désolé Bertrand, mais vous repartez... Brocouille. Mais désolé aussi pour le deuxième Elliot. Oui, alors effectivement les deux Elliot Elliot Mystère, on vous a pas demandé ce que vous faisiez dans la vie. Je suis gardien de poule. Gardien de poule. Très bien, c'est un métier à mi-temps ou à temps plein? Je travaille que la nuit. Je garde les poules la nuit. Vous êtes un veilleur de poules la nuit. J'espère que vous tapez pas les poules. Non. Par contre, le coq, on n'a pas dit le contraire. Faites attention, il y a la grippe aviaire en ce moment. Merci Elliot d'avoir été avec nous. C'était une intervention courte, mais intense et efficace. Enfin, si efficace que ça, puisque vous ne partez pas en finale. Mais en même temps, vous avez loupé la moitié des questions. Merci Elliot d'avoir joué avec nous. Et, quant à vous, Bertrand, c'est pareil. Henri. Et c'est marquant ça. Et c'est marrant ça. J'ai dit quant c'est à marrant. Vous, Bertrand. Bertrand, quant à vous. Noir désir. Bertrand, quant à. Bref, vous repartez à la maison, brocouille. Et c'est ce que je viens de dire, Henri. Donc vous m'écoutez pas du tout. Ah, si si, c'était. Je non, voulais vous ça. Vous m'écoutez pas. Allez, on passe à la deuxième manche. Salut. Oui, exactement. Et là, il ne me reste que deux candidats. Oui, c'était un peu fort. Et à vous de me donner la bonne réponse en buzzant. On vous donnera un buzzer juste après. Vous aurez trois questions. Et vous jouez pour question pour un con. Pas mal, madame Amélie, vraiment. Votre le buzzer, Henri. Henri. Ah oui, alors pour notre candidate Julie, vous allez simplement crier tel un orgasme. Oh ah pas mal. Quant à vous, le petit Elliot. Oui. Vous êtes marrant hein, déjà de base. Je pense qu'il devrait garder son. Ah bah vous allez garder votre. Comment vous faites? Non, c'est ça. C'est pas mal. Attention. Première question. Qui a mis le premier? Ah c'était pas français ma phrase. Qui a mis en premier le pied sur la lune? Louis Armstrong. Comment? Armstrong. Le prénom. Louis ? Non. Oui ? Neil Armstrong. Yes ! C'est, je crois que ça doit pas être les mêmes personnes. Pourquoi je l'ai appelé Louis ? Mais je sais pas. Peut-être un crush qui t'appelle Louis, j'en sais rien, Julie. Ah ! Du coup, bonne question pour Elliot. Deuxième question, on passe directement. Lequel des cinq sens manque au serpent ? Oui ! Oui, Julie ? Merde, attends. Je crois que c'est la vue. Mais non. Du coup, il a des Oui. Oui ? Louis ? Oui ! Oui ! Oh, putain, c'est ça ! Il est sourd ! Ouais. Oui, je t'ai fumé, Mais oui, même qu'il soit la vibration, je suis con ! Vibration. Oui, vous êtes con ! Tant que je suis jeune, ça me va. Puisqu'on est jeune et con ! Vous savez, à force de réfléchir, ça me donne des rides. Oui. Question numéro 3. Vous allez peut-être y arriver. Qui est le père de la fille de Vincent Cassel ? Oui. Qui est le père de la fille. Ouais, on sent la gaffe. Déjà, on buzz. Oui, oui, oui. Oui. On sent la gaffe, non, pas du tout. Et relisez bien. Qui est le père de la fille de Vincent Cassel? Oui, oui, oui. Allez, Vincent Cassel. Vincent Cassel. Pourtant, je me suis dit, ça allait être facile quand même. J'avais trouvé, ouais. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est facile de dire ça quand on est là. Du coup, nous avons Henri, nous avons un gagnant pour participer à la troisième manche pour essayer de gagner le portefeuille. En finale, évidemment, c'est Elliot. Quant à vous, Julie, vous repartez non pas sans rien, mais avec un petit bisou. Bisou. Mais vous partez pas, broucouille. Non, bien sûr, c'est mieux que rien. Elliot, est-ce que vous êtes prêt pour la troisième manche? Oui, oui, yeah. Pour gagner ce super cadeau qui est un porte-clés, tu auras 30 secondes pour deviner le mot qui se cache derrière cette charade. Rien de compliqué. Et vous jouez pour Question pour un concon. Attention. Combien de temps? 30 secondes. Attention, c'est parti. Mon premier est un métal précieux. Mon deuxième est un habitant des cieux. Mon tout est un fruit délicieux. Qui suis-je? Ordure. Un habitant des cieux. Orange. Oui, bravo, nous avons un grand gagnant. Vous repartez bien sûr avec un magnifique porte-clés Indestar. Un magnifique porte-clés Indestar qui vous est offert par Indestar et dédicacé par votre animatrice Amélie, bien sûr. Oh oui, sweet. Oui. On est content pour vous. Il remet la queue, Un petit codingo ça après, hein. Mais je remercie aux candidats d'avoir participé, bien évidemment. Oui. À vous aussi, Henri, d'avoir fait vos interventions. Mais c'était une joie, c'était un bonheur, c'était une péninsule ibérique, si je puisse préciser. Et quant à nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine avec des nouveaux candidats et de nouvelles questions dans Questions pour un Concon. Tout juste après, nous on enchaîne, hein, on est des fous. On est des fous. Je recto verso, comme yes. Vous savez. On reviendra tout à l'heure dessus. Non, on va partir en Angleterre. Vous allez aller dans un parc. Et avant ça, on écoute une musique anglaise, Darling, de Alex. Yeah, Alex. Mais Alex, c'est pas anglaise, elle est belge. Actu solide tous les mercredis de 21h à 23h sur Indestar. On est là. Eh non. Ah non. On n'est pas là. Mais t'es où? Mais voilà. T'es pas là. Mais t'es où? Mais c'est pas là, mais t'es où? Ils sont nuls mes blagues là. Mais c'est Vianney, ça va, on est tous reconnus. Ah d'ailleurs, ma meilleure amie, elle va le voir en concert. La pauvre. Samedi soir. La pauvre. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour mériter ça? Bah pourquoi? Il est bien, Vianney. Vianney quoi. Moi je le trouve très bien. Oh là. J'ai mais trop aimé cliquer mes claques. T'as vu ton. Non, c'est pas comme ça, c'est. Et puis, mais cliquer mes claques. Mais le tard, mais pas du mais tout. Mais si chial comme ça. Tu respectes pas. C'est comme Christophe Maé quoi. On s'attache. Et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache. Pas le style. Pourtant pas le profil. Mais c'est pas pourtant qu'il faut qu'on s'attache. Je crois qu'on a tout fait. Ouais. On a fait le tour de la musique. Là, la musique c'est française. Et bah nous on part en Angleterre. Oui, alors vous partez en Angleterre pour une mission et non des moindres, puisque il y a une femme qui a été tuée. Ouais, voilà. Sandrine. Non. Non, pas Sandrine. Ah, je croyais. Non. Sardine. J'ai plus son nom en tête, mais vous allez le retrouver. Suzanne, je crois. Oui, c'est ça. Suzanne a été. Suzanne est morte. On ne sait pas comment, on ne sait pas par qui, et on ne sait pas pourquoi. Ça va être à vous de retrouver tout ça. Ok, okay. Donc vous allez à Diggerland, qui est un parc. Il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a 3 en Angleterre, qui sont des parcs où vous pouvez vous amuser. Ce sont des vrais parcs. Hein. Je précise, mais d'ailleurs c'est pour ça que vous y allez. Mais des vrais parcs où vous pouvez vous amuser avec des engins de chantier. Ça me donne très envie d'y aller, moi. Mais bon, vous avez la chance. Parce qu'en sachant que fut un temps, tu faisais le tug et tu te mettais. Tu faisais des trucs illégaux avec des engins illégaux. Ça va. Ils se mettaient à côté, ils prenaient une photo. Oui, bah c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Ah, le tug. Oh là. En plus, ils se croyaient trop frais. Hein. J'ai rien dit, j'ai même pas mis sur Instagram avec un filtre. Bon, bah allez, c'est type poire. Allez, c'est parti. Ouais. Et je sais pas vous, mais moi j'ai très envie de tester le Giant Burgers. Mais tu sais au moins ce que c'est? Bah, c'est un hamburger. Non. Non, c'est pas un hamburger, pas vraiment. C'est simple, c'est une simulation de travaux publics. Forcément, on est dans un truc de travaux publics. Alors on fait les trucs de travaux publics avec des pelleteuses. On va jouer la DTE. Non. Mais bon, allez, on va y aller. On devrait peut-être croiser Steve. Bonjour Steve. Yeah, yeah, great day, great day, great day. Vous avez postionné Steve. Yeah, la team Actus Light. Yes. Vous venez essayer mon gros engin? Oui. Yes. Deux fois plutôt qu'une. Yeah. Bon, vous savez, c'est pas si facile à conduire. Il y a des années d'expérience et des connaissances, very, very beaucoup. On va voir si vous connaissez un rayon. Je vous mets un chrono de 1 minute et vous devez avoir au moins 7 good answers, d'accord? Yes. Ok. Yes. Ok, good, I'm c'est parti. Ready. Que signifie l'abréviation DICT? Est-ce que c'est demande d'intervention de commencement de travaux ou déclaration d'intention de commencement de travaux? La première. C'était la deuxième. À quoi sert une draggeuse? Est-ce que c'est à désensabler un endroit ou c'est à permettre aux hommes de perdre leur virginité? Désassembler un endroit. Évidemment, c'est fâché là. Quelle est la vitesse maximale des engins de chantier? Est-ce que c'est 25 km/h ou 35 km/h? Ah bah 25. Évidemment. Le bulldozer, c'est un chien méchant ou c'est un engin de chantier? Un engin de chantier. Eh oui, on se fonde avec le bulldog. La conduite d'un engin de chantier peut-elle autoriser aux personnes non titulaires de Cassas? Non, non. Eh bah c'était si. Eh bah oui, bah oui. Une mini pelle à chenille de 6 tonnes est un engin de catégorie 2 ou de catégorie 5? 5. 2. La pelle bigger sert à creuser ou à t'enrouler une? À creuser. Oui, j'ai la bonne réponse. Rouler une pelle, évidemment. Quel est l'ordre chronologique d'un circuit hydraulique? Réservoir. On finit la c'est question. Réservoir, pompe hydraulique, distributeur clapet, vérin ou réservoir, pompe hydraulique, vérin, distributeur clapet? J'obtiendrai pour la première. Mais c'était la première, évidemment, oui, bravo. Alors, ça vous fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez la bonne réponse. Allez, on va dire que c'est bon, j'avais dit. Very good job, enfin good job non plus. Hein. Bon, vous pouviez travailler dans le bâtiment ici ou là, il y a même des. Quoi qu'il y en ait des tensions en ce moment dans le parc. Par exemple, Suzanne, là, elle était retrouvée morte. Suzanne, oh là là, on ne sait bien. Parce qu'en fait, elle voulait reprendre la gestion du parc. Tu vois? Ah, et puis il y a quelqu'un qui voulait la prendre aussi. Et donc elle a été assassinée pour ça. Ah, moi, I say that, I say nothing. Mais bon, je le dis quand même. Allez, bonne enquête, les goodbyes. Merci. Thank you. Bonne enquête, les goodbyes. Ça va rien dire, j'ai rien. Il avait un accent québécois à moitié, je trouve. Ah, il avait un accent un peu texan. Bah, tu peux le Yorkshire. Être Québéglaire. Québéglaire. C'est à moitié Angleterre. Non, tu peux être Québéglaire. Les Béchirs. Les Québéchirs. C'était Workshire. Non, Québéglais. Un mélange d'anglais et de Québec. On est pas si mal sur les chantiers. Hein. Mais on est pas si mal, frère. T'as dit aucune bonne. T'en as dit qu'une. Bah quoi, je n'ai dit une. T'as répondu à un pote. J'en ai dit une et sur les 5, elle était bonne. Alors fais pas chier. Heureusement quand même. Merci, Jolan. Sur lui, hein. Juste après d'ailleurs. Ouais, je sais y a pas quoi si après. On a trop de chance, mais en faire tout un Jolan. Oh, et en avec fait, un Jolan. Il y a un super jingle. Il y aura un jingle fait à la bouche. Et le déco dingo fait par moi avec maintenant. Oui, forcément. Parce qu'on a Antoine qui nous a raconté il y a pas longtemps. Ouais, il y a Antoine qui. Donc il y a quelques semaines maintenant. Il est, vous inquiétez pas, il est pas mort. Hein, il est juste parti de l'émission. Ah bon? Mais après. Zut. Ouais, vous avez dit, il nous a quitté. On se tait. Oui, d'accord. Fais attention parce que moi je fais marcher mes relations, j'enlève ton son. Tu m'as fait marcher tes relations. Parce que moi je vais écouter de la bonne musique. Ouais. Ah là je te laisse parler. On l'a tous écouté une fois dans notre vie. Évidemment. Sur une des stars. Ou l'une des deux musiques. Ouais. Pardon, t'as dit quoi? T'as dit quoi, c'est non, pas parce français. Que là on est sur un bootleg, c'est-à-dire un mélange entre deux musiques. Oui, mais tu m'as pas laissé parler. Celle-là dit, on a déjà on l'a tous déjà entendu sur une des stars. Oui. Une des stars. Mais on a certainement. Et j'avais dit Endestar, je dis Endestar. Oui, mais on a peut-être aussi déjà entendu les versions originales. Parce que oui. On a d'un côté Noir Désir, je parlais tout à l'heure de Bertrand Cantat. Et de l'autre côté, on a Aretha Franklin. Oui. Et ça nous. Et ça donne du Soul Désir. Ouais, sur DJ Zebra. Non, sur Endestar. Non, DJ Zebra. Oui, mais ça, c'est pas sûr. Oui, mais c'est DJ Zebra ah, qui tu fais chanter. Ce que tu veux avec DJ Zebra, c'est pas mon problème. Moi, j'aimerais bien. Il me fout le zébra. Actu solide sur Indestar, parce que vous le valez bien. Et même si vous le valez pas, on vous l'offre quand même. Et bah, nous, on le vaut bien. Je sais pas de quoi elle parlait, mais on le vaut bien. C'est comme les shampoings. Hein oui. C'est comme les shampoings. Bah oui, alors, on le vaut bien. La Réal, parce que je le vois bien. Oh, c'est lourd, Réal. Mais non, mais c'est elle qui a la Réal, c'est pas moi. Oh. J'ai rien dit, moi. Non, mais je pense que vous l'avez. La Réal, Isas. Je pense que vous l'avez compris, on est sur Indestar, avec Tu Solides, comme tous les mercredis soirs. On est là. C'est la soirée des jeux de mots. Et bien sûr, vous êtes fatigués. On n'est pas, fatigués. Un peu plus en train, les gars. Vous êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Achikachikachik. Aïe, aïe, aïe. Achikachikachik. Aïe, aïe, aïe. Aux oreilles, aux oreilles. Aïe. Achik. Aïe. Achik. Aïe. Vous avez pas les traits. Ouais, c'est bon. C'est très douloureux, très très douloureux. Elle vient de se prendre un parpaing sur les pieds là. Et bah nous on va se prendre un parpaing sur la tête pour comprendre la rubrique de Jolene. Ouais, mais avant. Mais je vous en crotte, très cher. Avant, il y a un jingle. Jingle. Oui. Oh non, pas lui. Fait par nos soins évidemment. Évidemment. Attention. C'est parti. Aïe. Le mercredi, le mercredi soir, Jolene est sur Indestar. Eh, moi j'étais sur le jingle. Enfer tout un Jolene le soir. Il est parti, il laisse. Hein, ouais. C'est Jolene sur Indestar. On dirait qu'il chante le Roi Lion. Ta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la sur Indestar. Jolene est mort. Ce soir. Mais non, il est là, et bien là, pour nous donner la foi. Joie. Oui, je veux dire, c'est bien. La foi. La foi. La prochaine fois, je pense que la rubrique 10 ans avant. Ouais, bon, on peut y aller, c'est bon. Non, c'est pas fini. La la la la la la. Oh, Wimboé, oh, Wimboé, oh, Wimboé, oh, Wimboé, oh, Wimboé, oh, Wimboé, oh, Wimboé. On n'est pas si pressé que ça. Ah, c'est horrible. Oh là là. Enfer tout un Jolene. Non, c'est Enfer tout un. Enfer tout un. Enfer tout un Jolene. Ouais, mais j'avais envie de changer. Oui, bah pour prévenir, parce que moi j'étais en train de chanter. Mais j'avais répété pendant la musique. Je crois que nos jingles sont beaucoup plus longs que ta rubrique à lui. Mais oui, la mienne elle dure 10 minutes à peine. La première rubrique où le jingle est plus long que la rubrique. Et c'est pour Jolene. Allez, Jolene, on t'écoute. Allez, c'est parti. Putain, comment tu veux que j'enchaîne après ce genre de truc? Ah bah tu te démerdes. Alors, bah du coup. Oh, il est perturbé. Oui, je suis perturbé parce qu'il y a trop de... Juste la règle du jeu nous suffira pour commencer. La règle du jeu, alors, j'ai trois expressions de différents siècles, plus ou moins connues, qu'il faut... C'est les siècles qui sont plus ou moins connus. Non, les expressions, très cher. Alors, il faut soit les deviner, et soit comprendre le sens de l'expression. D'accord. Et ce soir... attends, what the fuck, qu'est-ce qui me fait... Normalement, c'est pas genre trouver la suite. Alors, ce soir, j'ai deux expressions où il faut comprendre le sens, et une dernière où il faut deviner la suite. D'accord. Ok. Ah, tu sais que pour le premier tour des élections présidentielles sur TF1, ils vont pas faire une soirée spéciale présidentielle, ils vont faire une soirée spéciale visiteur. Super. Ah oui, je l'ai vu, je crois. Bah tu vois, je suis les réseaux sociaux. Si je vous dis. Ok. Tirer des plans sur la comète. Ouais. C'est facile, en gros. Tirer des plans sur la comète. Ça veut dire quoi pour vous? C'est quoi le sens de cette expression? Être organisé. Ça veut dire voir plus haut. Voir plus haut? Non. Plus haut. Ça rappelle quelque chose. C'est penser à des choses en fait, mais. Ah bah non, tu vas pas dire la réponse, attention. Oui, je donne des pistes. Donc c'est la réponse? Non. C'est en gros quand tu as un projet, c'est viser plus haut de ce que tu es capable de faire. Non. Le plan sur la comète. Ça te dit rien? Oh putain, aujourd'hui elle a tiré des plans sur la comète, elle m'a fait chier toute la journée quoi. Non, j'aurais pas dit ça comme ça moi, tu vois. T'aurais dit ça comment? Pas dans ce sens là. Bah j'ai dit, on va pas tirer des plans sur la comète. C'est quand tu avances quelque chose. T'es pas loin. Ah, t'es pas loin. Tu te rapproches. Oui. Par exemple quand tu veux faire trop de choses mais que tu peux pas. Non, c'est pas ça. C'est parce que quand tu ne sais pas le dénouement des choses. Tu fabules, tu dis en gros peut-être que ça va. Ouais, je suis sûr que demain Jolene il va arriver tout nu dans le studio. Et en fait, ce sera pas vrai. Et en c'est fait, ça. Voilà. Genre Macron il est payé par les Illuminati ou ce genre de truc tu vois. Oh. Tu vas pas rester dans les trucs de base là. Fou de Macron. Ouais, parce que là. Non mais si t'as parlé de politique pardon. Les Illuminati. Non mais c'est pour qu'ils comprennent le sens du. Non mais on la connaissait mais en gros après expliquer une. Alors du coup en gros ce que ça veut dire parce que c'est galère en fait. On vient de le dire ce que ça veut dire. Quoi? On vient de dire ce que ça veut dire. Vas-y, ta définition. Quel siècle? Alors, à date du 19e siècle, elle est pas si vieille que ça. Mais en gros, c'est soumettre des hypothèses qui ne sont pas crédibles. Fabulées, ouais. Voilà, qu'il faut. Ok. Et non pas fabuleux. Ah, okay. Alors, ok. Enfin, expression suivante. Si je vous dis la gueule enfarinée. Mais ça, c'est quand t'es fatigué. Non. T'es un peu bourré plutôt. Non, quand tu prends non, de la coke. Non plus, c'est pas quand t'es bourré. Tu prends de la coke. Non, non, rien à voir avec ah, la. Ah, tu te poudres le nez. Rien à voir avec la drogue. Non, mais non. Non, mais c'est quand t'as la gueule enfarinée, c'est quand t'es fatigué. Alors, t'es je vais vous donner un indice. Bah, quand t'es malade, quand t'es fatigué. Quand on travaille beaucoup, on acquiert quoi, généralement? La fatigue. La fatigue. Mais non. Quand, bah, quoi quand on travaille longtemps dans une entreprise, qu'est-ce qu'on acquiert? L'expérience. Des tendinites. De l'expérience. Du kills. Ouais. Donc, est-ce que tu arrives à comprendre le sens de mon mot du coup, la gueule enfarinée? Non, mais pour moi, la gueule enfarinée. Expérience, je vous laisse vous être rapproché du mot. Mais c'est quand t'es malade, quand t'es blanché. Quand t'es pas bien, quand. Non, c'est en rapport avec le mot. C'est en rapport avec expérience. Ouais. Mais non, je dis une connerie. Prends pas. Bon, en gros, je vais vous dire, parce que c'est compliqué aussi celui-ci. C'est une expression française qui est d'une fable de Jean de La Fontaine. Oui, voilà. Maître Corbeau sur un arbre perché. Tenait dans son bec un fromage. C'est pas ça. La petite phrase. La petite phrase. Le chat s'enfarine pour attirer la souris et pense naïvement pouvoir l'attraper ainsi. Mais celle-ci, attendez. Oui, on attend. Ok. Celle-ci plus intelligente ne se laisse pas prendre. J'ai toujours pas compris ce que ça veut dire, moi. J'avoue que. Donc, non, mais en fait, en gros, avoir la gueule enfarinée, c'est acquérir de l'expérience, en gros, c'est ça. Et t'es sûr que c'est pas genre la gueule enfarinée? Non, la gueule enfarinée, c'est pas là, ça n'a rien à voir avec le terme ivre ou complètement fatigué. Non. Rien à voir. Ouais, j'ai un peu la gueule enfarinée aujourd'hui, je suis pas très bien, je suis pas dans mon assiette. Alors, oui, ça peut fonctionner, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas ça. Là, il va falloir deviner du coup la suite de l'expression. Donc, je vais vous citer le premier mot. Mmh. Si je vous dis le café du matin. Non. Du soir. Le café du. Du 4 heures. Du réveil. Matin, pas du soir. Du réveil du coucher du. Tu peux répéter. Le café du. Si je vous dis le café du. Le café du. Du marchand. Du jour. Marchand local. Le café du Racel, non, c'est le café du. Quand ça tourne, ça tourne au niveau de l'argent, quand on en a pas beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Le café du. Ah, le café du SMIC? Non, le café du RSA. Du café. T'es pas loin. Chômage. RSA, chômage, aide, c'est pas loin. Le RMI. Allocation, le café de l'allocation. Mais non. Est-ce que je peux juste rebondir sur la gueule enfarinée du coup? Oui, vas-y, dis. Ok. La gueule enfarinée, quelqu'un de naïf ou mal réveillé, cette expression française est issue d'une fable de Jean de La Fontaine, le chat et le vieux rat. Le chat s'enfarine pour attirer la souris et pense naïvement pouvoir l'attraper ainsi, mais celle-ci, plus intelligente, ne se laisse pas prendre. Qui avait raison? Je suis navré, j'ai dû m'emmêler dans. Ah ouais, certainement. Je suis désolé. Certainement. Dans la queue de ton chat. J'avais raison. Oui, voilà, je m'excuse. Donc, du coup, le café du. C'est pas le café des allocations ni de chômage. Du moment. Café non. Du. Quand. Je sais pas. Hein. C'est dur celle-là. Quand les gens ils ont un petit salaire, qu'est-ce qu'on dit généralement? Le café du pauvre. Ah, la trouvée. Voilà. Café du pauvre. Alors selon vous, le café du pauvre, et ça veut dire quoi pour vous? Café du pauvre. Ouais, ça veut dire qu'on est pas riche. Non. On va acheter. Ça n'a rien à voir avec l'argent justement. C'est un café de mauvais goût. Non plus. Ah, ça pourrait. Un plat de mauvais goût. C'est en fait c'est un acte qu'on fait. Tu fais quelque chose qui est méchant. Ah, c'est genre tu le fais vite fait. Le café du pauvre. C'est un acte qu'on fait avec une femme, évidemment. Là. Ah bon, tu fais l'amour? Ah. Ouais, trouvé. Quoi? Voilà. Alors, le café du pauvre, c'est faire l'amour. Si je me suis pas planté. Ah oui, parce que. C'était la ligne dessous, tu sais. Non, viens regarder. Le café du pauvre, c'est faire l'acte sexuel. Faire l'amour. Voilà, en gros, c'est ça. Je me suis fait le café du pauvre. Je trouve toujours les expressions comme ça. Oui, non, mais c'est bizarre. Chérie, ce soir, on va voir le café du pauvre. J'ai pas. Mais non, j'ai pas le rapport, mais. J'ai pas soif. Ah mais tu le feras à ton compte. Non mais franchement j'ai été étonné que ça, enfin le sens de cette expression. Oui, il a raison en plus ce con. Ouais. Et bah oui, d'où l'expression le café allongé, le café. Je vais prendre un petit café serré aujourd'hui. Serré. Non mais il a raison parce que au X siècle. Quoi? Quoi? X siècle, donc d'accord, au 19e siècle. Et t'as appris les chiffres? Prendre son café. Non, mais là je suis sur prendre son café. Mais non, c'est café du. Ah oui, oui, il a raison. Bah oui, quand même. Ça, c'est par contre, relation sexuelle. D'accord. Je suis navré pour la gueule enfarinée, je sais pas ce que j'ai fait. Bon. Bah de la merde. T'avais un peu la gueule enfarinée en faisant ces De plus, lors de la Seconde Guerre mondiale, le café étant une denrée rare et chère. Seuls les riches peuvent se l'offrir. Les pauvres le remplaçaient par une relation sexuelle à la fin du repas. Bah, c'est pas plus mal en vrai pour booster le cardio à la fin du repas. Un café, tu fais des kini. J'avoue qu'entre un café. Elle reste. Voilà. Tu vois, chérie, tu veux un café? Non, tu nous aurais expliqué ça, on aurait mieux compris pourquoi il disait pour les relations sexuelles. Oui, oui, c'est vrai. Façon, c'est... Et au final, c'est. Chérie, on a pas de café! Fais-moi une bonne pub! De toute façon, Jolan, dès qu'il dit que c'est un rapport entre un gars et une fille, tu dis. Sexual. Ah, sexual. Ta da da da tam tam tam, ta da da da dam. Tang tang. Non, y'a pas de tang tang à la fin. Ah, je croyais qu'on partait sur le Dico Dingo. Ouais, bah ouais, moi aussi. Ah non, mais moi j'étais sur le. Tu sais, le, bah, elle a fait un gars et une fille. Ça me rappelait le jingle d'un gars et une fille. Ta da da da da tam tam tam, ta da da da da. Ah, je regarde tout le temps en plus. Sur les réseaux sociaux, des fois y'a des vidéos et du coup je regarde ça en faisant ma vaisselle. Ah, vraiment. Micheline, fais la vaisselle. Hey chouchou, tu fais la vaisselle? Ah ouais, c'est mon troisième prénom. Chouchou? Micheline. Non, Micheline. Chouchou, c'est un peu moins chou. D'accord. Le Dico Dingo. Allez-y, beau jingle pour moi. Le Dico Dingo, c'est le Dico Dingo. Et normalement, j'ai un peu de jingle. Ah, pardon. Ah, le Dico Dingo, le Dico Dingo. Wouf, wouf. Le Dico Dingo, le Dico Dingo. Wouf, wouf. Le Dico Dingo, le Dico Dingo. Non, c'est bon, c'est deux fois, c'est bon. Non, je m'en fous. Wouf, wouf, wouf, wouf. Le Dico Dingo, le Dico Dingo. Wouf, wouf. C'est le Dico Dingo. Mais il le fait pas. Ah ouais, je l'ai fait exprès. J'essaye de changer un peu les choses. Alors, le Dico Dingo consiste à ce que je vous dise un mot et à vous de deviner le mot. Si vous n'y arrivez pas, vous avez 3 indices. Tu nous dis un mot et on doit deviner le mot. D'accord. Un mot qui est tiré de quoi? D'un dictionnaire internet? On y arrive, plus on a d'indices. Attention, premier mot. Ok, elle a pas répondu à ma question. Un dictionnaire, bah oui, forcément, il n'est pas des. Un muche. Un muche. Un muche. Un truc. Est-ce que c'est un mouton? Oh putain, il est chiant. Non. Quoi? Est-ce que c'est un métier? Non. Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un aliment? Non. Est-ce que c'est. Un loisir? Non. Est-ce que c'est une action? Non. Est-ce que c'est un instrument de musique? Non. Est-ce que c'est un meuble? Non. Est-ce que c'est un objet? Non. C'est un caractère. Un caractère? Muche? Ah, je suis. Ah, c'est. Ah, je me sens un peu muche aujourd'hui. Non. T'es-tu grincheux? Non. T'es-tu grincheux? Non. Un peu. Oh, tu te détends. Un peu souple. Je suis souple. Je suis muche. Quelqu'un de simplet, non? Non. Non plus. C'est pas un caractère. Quelqu'un ça, de débile. Bah, si, d'être simple, c'est d'être con. On est un peu. Oui, mais normalement, vous devrez trouver pour le deuxième indice, même quelqu'un d'introverti. Ah, il est un peu foufou. C'est un timide. Ah bah je suis muche. Je suis muche alors. C'est un jeune homme ou une jeune femme timide. D'accord. Alors très cher, je vous annonce que je suis muche. Alors du je coup on n'est pas muche aujourd'hui, on est muche tout le temps. Quoi. Ah t'as dit introverti, oui, j'ai compris mais... extraverti, du coup j'ai c'est dit le contraire. Fou. Ah mais c'est, je... ah, c'est donc le contraire. T'as compris quoi? Ouais. Ah tiens, en parlant de ça, petite parenthèse, j'ai fait un test l'autre fois de personnalité, je vous le ferai faire. De pureté, c'est ça? Non, de personnalité. Et alors toi c'était sur quoi? Et ben moi je suis avocat. Ah ouais. Comme le fruit. Eh, t'aurais mais... pu, hein, limite. Hein. Comme le fruit. Comment il parle, c'est il un pourrait légume, défendre. Non, mais son plaidoyer, c'est... il va durer 6 heures. Alors oui, je pense que mon client n'est pas coupable. C'est pas parce qu'il a violé 40 jeunes femmes qu'il faut quand même lui le mettre en prison. Je m'égare. Non, j'ai fait avocat, c'est pas le métier, c'est la personnalité, tu vois. Ah. Donc en fait, ça veut dire ce que ça veut dire aussi, mais je suis là à prendre la défense des autres plutôt que de me soucier de mais moi. Mais t'es un petit noyau tout mignon dans le fond. Non mais sensible et j'aime bien les métiers artistiques, tout ça, tout Théo. Ça. Ok. J'ai l'imagination créative. Ok, Théo, donc on essaiera Théo. Ça. Ouais, c'est marrant, oui. L'avocat est un légume. Un fruit. Ah bon? Je crois que c'était un fruit. T'es sûr de toi, ça? Oui. Non, mais on a peur j'en de ce que jamais. Tu dis maintenant. Oui, c'est vrai que. Deuxième mot. Pardon. Margouille. Ah, le margouille, c'est un plat, ça, le margouille. Non. Margouille. Je vous ai fait un petit margouille à midi. Tu avec galères. La bouillabaisse. Non, tu galères. Non. C'est de la margouille. Ah ouais, c'est de la merdouille. On peut être dans une situation comme ça. Ah, une situation de margouille. Mergouille. Margouille. Ah, c'est qu'il y a plein. Ah, gênante, non? Non, il y a plein de choses qui arrivent et on ne sait pas s'en sortir, on est un peu confus. Ouais, c'est ça. Oh putain! C'est un peu c'est être. Ça il est trop fort! Non, mais c'est un peu être dans l'embarras, dans les problèmes, ah, ouais, bah, tu voilà, vois. Tu genre. Je suis margouille! Ouais, margouille. Aujourd'hui! J'ai des margouilles je pas à suis dans la merde, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Pas mal, pas mal. Tu la connaissais pas pourtant? Ah ouais? Non. Et troisième mot. Ah, il y en a trois. Postéromanie. Alors, post, ça veut dire après. Terreau, c'est quoi... l'astéroïde qui est tombé par terre. Ah non, je pensais que t'avais mis du terreau. Et manie, c'est une manie de mettre du terreau. Et ça, t'as fini de mettre, d'avoir cette manie de mettre du terreau. T'es post-terreau manie. Pas du tout. Il me donne mal à la tête. J'essaye de décomposer, ça va. Post-héromanie, ça serait quoi? Ce serait une attitude. Un non. objet. Un métier. Non. Un animal. Non. Un objet. Un objet. C'est non protégé. Non protégé. Un rapport. Oui, mais dans quel but? Bah d'avoir un bébé. Voilà. Ah, c'est l'envie mais forte oui. d'avoir des descendants. Ah ouais. D'accord. Okay. Et du coup, tu fais l'amour sans préservatif. Mais oui, mais c'est comme le terreau ah, oui, en fait. C'est mieux. Le terreau, ah, c'est pour faire naître les graines. Bah, c'est pareil. C'est vrai, c'est vrai. Si tu mets une capote, t'as pas de bébé. Enfin, t'as moindre. Tu vas pas m'apprendre comment on fait des bébés. Mais je sais pas. Tu dis bah du coup, faut pas de capote. Ça dépend parce que sur un cabriolet. J'ai beau m'appeler. Oh putain, il va faire une blague partons de beauf. Ouais. Du coup, avant de partir en musique, je rectifie mon tir. Théo a raison, c'est un fruit. Et non, un légume. Et voilà. Et voilà. Voilà, voilà. On sent vraiment grave intelligent. Qui est-ce qui est cultivateur ici? C'est moi. Bon. Cultivatrice. Pépéréticienne, pardon. Et ben après, on va faire le petit record. Yes, record avec des clémentines. Ouais, qu'il faudra peut-être manger après. C'est qui elle? Un record. Chloé Staffler. Ça va, Chloé Staffler, c'est... On la connaît tous. Préférée de Antoine. Oui, la copine d'Antoine. On va écouter A Thousand Miles. A Thousand Miles. A Thousand Miles. Qui veut dire un millier de miles, qui veut dire un millier de... Qui de base... C'est une reprise de qui? Vanessa Carlton, c'est une des stars. J'allais dire tête de con. Down, walking fast, days is passing, I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you tonight. It's always time like this when I think of you, and I wonder if you ever think of me. Everything's so wrong and I don't belong, living in your precious memories. 'Cause I'll need you, and I'll miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time will pass me by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you tonight. And I don't wanna let you know I drown in your memory. I don't wanna let this go. I don't. Making my way downtown, walking fast, this is passing, I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I still need you, and I still miss you, and now I wonder tonight. N'imaginez pas tout ce qu'Actu Solide peut faire pour vous. À vrai dire, nous non plus. Indestar. Et c'est peut-être pas plus mal. Donc qu'est-ce qu'il y a? J'ai le Covid. Je suis. Non, il n'existe plus Covid. Ouais. On a plus les Macs. Ouais, mais apparemment il remonte. C'est. Ouais, et ça s'en va et ça revient. Ça s'en c'est comme... va et ça revient. C'est comme Théo, ça remonte. Quoi? Oh. Oh, j'ai vu un truc par terre là. Ah oui, il y avait un truc par terre. Oui, il y a eu si vous êtes sur Twitch, parce qu'elle est sur Twitch, vous êtes sur indestar.fr, vous avez le petit onglet, enfin le. Ouais, le petit bouton violet où c'est marqué Live Twitch. Vous cliquez dessus, déjà vous nous voyez. Alors, ça, déjà, c'est un avantage. Mais en plus de ça, vous allez voir le record qui va se passer dans un instant dans les studios d'Indesta. C'est quoi le principe du record, Amélie? Mais je sais pas, c'est Jolaine qui l'a fait. Alors, c'est quoi le principe du record? Bah, le principe du record, on a un record, enfin, un record, je dirais plus un challenge qui est proposé par nos co-animateurs. Va plus vite, s'il te plaît. Là, on va avoir une minute pour éplucher 5 clémentines. Voilà, on va voir. Non, si... le maximum de clémentines plutôt. En une minute, oui. En une minute, pardon. Mais en gros, on va voir qui a le plus de dextérité entre moi et Théo. Non, pas du tout. C'est un tirage au sort. Il y a un tirage au sort. Amel a des papiers. Nous allons choisir une main innocente. Pardonnez-moi. Je suis la main innocente, la main vierge, la main. Ah oui, ça doit que t'es vierge. La main. Et attention, je pioche. Oh, un T comme Théo. Voilà, j'en pioche un deuxième. Rigole si tu tombes sur Jolaine aussi. Je rigole. Attention. Attention, roulement de tambour. Jolaine. Ça revient à rien ton tirage au sort finalement. C'est de la merde. Et ben au moins il a été fait dans les règles de l'art. C'est vrai. Alors, nous allons nous placer où il faut. C'est-à-dire sur la moquette. Vous voyez si vous êtes sur Twitch. On va faire ça sur la moquette. Par contre, essayons de ne pas mettre de jus. Protégez-vous par contre. Protégeons-nous. Si vous voulez pas avoir de descendants. Alors, on a 5 clémentines. Ou une petite clé. Okay. Est-ce que vous voyez bien Jolaine? Est-ce que vous me voyez bien? Tiens, rapproche-toi un tout petit peu, Jojo. Voilà. Je vois vos petites têtes de cul là. C'est non, Jolaine, ramasse-toi. Voilà. Non, en fait, faut bien que tu te rends compte parce que ça fait peur là. Il est trop grand. Alors, on a un chrono d'une minute, c'est ça? Ouais. Tu dois faire un petit décompte? Non, c'est. J'ai l'impression qu'il s'est entraîné. Non, mais tu peux faire un décompte avant de lancer le chrono. Attends, mange tous les jours. Ah oui, alors. Are you ready, bitch? On est ready dans 3 secondes si tu veux. Je vous mets la petite musique de record. Ah oui, qu'on n'entend pas, c'est bien. Je vous mets 60 secondes. Attends, je fais le décompte. Allez. 3, 2, 1, à vos clémentines! Allez, nous avons Théo qui commence à bien débuter. Alors, Jolaine qui dit qu'il bouffe une clémentine tous les matins. Je sais pas comment il a bouffé sa clémentine, mais genre... Oh, du jus tombé. Oh là là, il est en train d'en foutre partout. Jolaine, tu salis toute la moquette. Tu passeras le bal des vapeurs après. Hein. Et nous avons Théo qui est presque à sa première clémentine. Allez, Théo, vite de la mettre par terre, après je la mange, mon chou. C'est vrai. Bah oui, gaspillage, merci. On va la manger, bien sûr, tout ce qu'on détruit sur. Et c'est la moitié du temps, il vous reste 30 secondes. Et une trentaine de secondes pour voir si il fout du jus partout. Jolaine, tu fous du jus extrêmement partout. Elles sont pourries, tes clémentines. Ça y est, maintenant ils trouvent une excuse. Oh, c'est la clémentine. Et Théo aussi en fout aussi partout. C'est pas le seul. Oh là là, mais vous êtes en train de les éclater, 8, ces pauvres clémentines. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zap ready, c'est fini. Donc nous avons une clémentine pour Théo. Non, deux clémentines entières. Deux, moi aussi. Deux entières. Ouais, mais tu l'as fini sur le gong, Jo. J'en ai deux et demi, moi, regarde. Ça, c'est la deuxième. Ah. Non, on voit pas, parce que Théo qui a gagné, il en a deux et demi. Félicitations. Et le vainqueur d'épluchage de clémentine ce soir, c'est Théo. Félicitations. Alors là, ils ont les mains archi dégueulasses surtout. Allez, vous lavez les mains, vous ne touchez à rien, vous partez. Donc on va les manger, bien sûr. Et bien sûr, on n'est vraiment pas bon pour les records quand même. Bah disons qu'on a eu mieux. Non, en vrai, les clémentines, elles sont en fin de vie et c'est pour ça qu'elles sont toutes molles. Comme toi. Oui, bah peut-être. C'est en fin de vie. Mais c'est pareil, elles sont ridées. Et donc extrêmement difficile à éplucher. Bon, surtout que j'y suis allé un petit peu au bulldozer. Après, c'est, le problème, c'est que plus c'est mou et moins t'as du mal à. Tu vois, oui, plus bah, t'as du mal, pas moins problème, t'as du mal. Et plus t'as du mal à secouer le machin. Quoi. Exactement. Oh là là, je crois qu'il est l'heure d'écouter Anafri et ça me fait bien plaisir. Non, c'est Lindsay Starling avant. Quoi? Ouais, non. Si. C'est Lindsay Starling. Pourquoi Starling. C'est marqué Anafri? Vas-y, lance la musique, quoi. Oh, Anafri. Ah non, bah ok, bah, on va écouter du Anafri. On va écouter du Anafri, hein, et puis juste après, restez avec nous pour le jeu Recto Verso sur Indestar. Passe le fun autour de toi. Actu solide sur Indestar. Oui. Eh oui, oui. Oh, bah, ça, c'était le fun. Ça, c'est les épluchures, ça, votre corps qui vous a touillé. Hein. Ah ouais, elles sont pas les clémentines. Il a essayé de me gruger, Jolan, parce que il a dit ouais, j'ai épluché deux clémentines et demie. Ouais, mais j'ai comme pas... de par hasard, ouais. Il t'en restait trois. Trois. Attends, un peu d'ASMR. Oh. Non, mais ASMR, c'est censé être satisfaisant. Allez, non, mais puis c'est beaucoup moins. Moi, j'ai jamais été satisfait avec l'ASMR. Mais attendez, je croque. Là, ça peut être sympa. Ah bon? Tu tiens un truc. Bon, bah, ok. C'est très malaisant. Elle tient sur une barre de chocolat, je trouve, mais c'est tout. Retournons en Angleterre. On est où? On fait quoi? On est à Londres. Bah, oui. En Angleterre. C'est comment la ville déjà? Y a pas Yorkshire. Le Yorkshire, oui, c'est la région en fait. Oui, la région. Et du coup, on est chez le Yorkshire. Et non, vous êtes dans. Dans un parc. Le parc, le Diggy, je sais pas quoi. Et c'est un parc de jeux de chantier. De travaux publics, exactement. Oui. Voilà. Dans ce parc de travaux de chantier, il y a eu un petit problème à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'amusait à enlever de la terre, comme vous pouvez le faire si vous allez là-bas, il y avait quelqu'un, il y avait une personne décédée qui était complètement morte. Ouais. Qui était enterrée. Oui, alors ils ont fait une autopsie, tout ça, mais c'est à vous de savoir qui c'est, pourquoi elle est morte et avec quel objet. Donc déjà, d'accord. Vous savez pourquoi elle est morte, le je crois. C'est ça. C'était oui, quoi le... Parce qu'elle voulait gérer le parc. Ça, ah, le oui. parc. Il y avait des jaloux, quoi. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui voulait justement le gérer. Et si ça se trouve, elle était morte, lui, il prenait le gérage. Bah oui, la gération, ouais, tout à fait. Lui, certainement le mec s'est débarrassé. Le gérage, ouais. S'est débarrassé de la concurrence. Tout à fait. Bon, ok. Donc là, vous repartez là-bas, les cocos. Et là, vous allez devoir certainement deviner bah, soit l'instrument, enfin, l'outil, le truc. L'outil qui a servi à... Ou alors, qui l'a tué, tout simplement. D'accord. Et moi, perso... J'aimerais bien faire un manège en sensation. Oh bah non, j'ai la gerbe dans ces trucs-là, moi. Ah, mais de toute façon, on est là pour étudier, les gars, donc je vous rappelle... Ah, il y a le Spin Dizzy là-bas. On va aller voir la fille dans la cabine, tiens. Yeah. Hey, go. Yeah, tu sonnites. Oui, c'est nous. Je suis Virginie. Nous-mêmes. Vous êtes prêts à monter au Spin Dizzy? Oui! Ouais! Ah, vous allez voir, ça va pulser! Retenez bien les directions, vous me direz la forme que j'arrive à créer avec mon bras sur la pelleteuse géante, évidemment. Les érections? Non, la direction. La direction. J'ai entendu les... Est-ce que je pourrais avoir un stylo, s'il vous plaît? Un stylo pour madame! Merci! Allez, attention, est-ce que vous êtes prêts à dessiner? Ouais! Allez, go, go, go! Un petit peu de musique. Un petit peu de musique. On a fait ça. Allez, attention. Hop. Et... Turn left. Go. Et hop. And... Turn right. Allez, go. Et... Down, down, down, left, go, and down, and down, left. Et vous êtes revenu au point de départ. Vous êtes revenu au point de départ. Allez, good job, jump around. Ça donne quoi? Un. Alors lui, il n'a rien compris. Une espèce de hache. Ouais, là, là. Les reverbs sont beaucoup trop forts. On est effectivement, j'ai l'impression, sur une forme de hache. Rien à voir avec la série que vous connaissez en France. Hache. Vous connaissez pas. Avec Janet de Bouze. Zindam. Non, vous ne connaissez pas, non. Vous ne connaissez pas. Bon, ok. Et ben, c'est pas grave. Alors, ça a dessiné une hache. Je sais pas à quoi ça correspond, mais dis donc, comme on dit chez nous, Rolling Stones, Namastalus. C'est-à-dire que je suis complètement marteau. Allez, bonne enquête. Ciao. Merci. C'est quoi? Elle était un peu barjou, là. Mais en fait, on est tellement incultivés que même les blagues, on les connaît pas. J'ai l'impression. On est vraiment inculte. Inculte. Inculte. Donc je pense qu'elle s'est fait buter à coups de hache. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Mais c'est violent. Ouais. C'est violent comme mort. Bah c'est pas terrible. Bah on va dire ça hache. Ça trash, c'est trash. Ça hache. Ça hache. Tu voulais pas aller pisser toi? Bah si, pendant la pub là. Ouais, pas... Bah alors qu'est-ce qui se passe dans la suite? Évidemment, bah... il va falloir retrouver encore qui l'a tué, parce que là vous on avez le. On a déjà le mobile. Oui. On a déjà le l'arme de crime. L'objet content. Donc. L'arme de crime. L'arme ouais. du crime. On s'en fout, c'est la même. Ouais, ça va, t'as rien marqué sur ta feuille. C'est une arme et crime. Oui, bah c'est bon. Il nous reste plus qu'à déterminer le coupable. Exactement. Et vous aurez résolu une nouvelle enquête, comme tous les mercredis, vous le savez, oui. dans le jeu Recto Verso. Hein, bah, ils essayent en tous les cas, tous les mercredis, de résoudre une enquête. Des fois, on vous essaye, y arrivez. Des fois, vous y arrivez pas, mais vous avez quand même une bonne réputation. Vous êtes à 4,3 sur Google. Ah, c'est pas mal. Ah, ça dépend si c'est sur 5. Bah oui. Bah oui, c'est sur 5. Vis-à-vis Google. Juste après. Si ça peut être sur 10. Hein. Yenné de contrôle. Non. Non, c'est Yen. À chaque fois, je me gourouille. Je te trompe, vous vous trompez. Mais dès que je dis Yen, vous me dites non, c'est Yenné. Les Yenné, vous me dites Yen. Non, justement, c'est dès qu'on dit Yenné que c'est non. La chanteuse s'appelle Yen. Ok, Yen. Ah, le titre il s'appelle Control. Oui. Pardon. D'accord. Et juste après, raconte-moi une histoire. D'accord. Ouh. Je l'ai décidé ainsi, c'est moi qui décide. On va se raconter des histoires. Perds le contrôle. Actu solide tous les mercredis de 21h à 23h sur Indestar. Oh, on n'est pas ça près. Viens dans mes bras, t'auras tout ce que tu voudras. Bébé, viens à moi. Je prends soin de toi. Vas-y, danse avec moi. Danse avec moi. On a connu mieux. Bah, c'est à dire que. Ça et donne le... pas vraiment envie de danser non, avec lui. On veut quoi. Les patates. Et le gars il dit ça tout le temps. Ah non, il vient en moi. Viens en moi. Danse avec moi. Ouais. Ah, bref. Danse avec moi. Bon, ce soir. Elle est à moitié entraînante en cette musique au non, final. Non, je trouve pas. Okay. Je vois, comme ça, non. Mais alors, ce soir sur Indestar dans Actu Solite, c'est un jour particulier. Pourquoi? Parce que c'est le seul mercredi 23 mars. Non, c'est pas ça. C'est que ce soir. C'est la DER d'Océane. Oh. Ouais, je sais, c'est triste. Océane. Et en prime, tu m'as vu pisser. Ah mais non. Dernier jour. Vas-y, raconte ce qui s'est passé en antenne. Alors on n'a pas de toilette. On n'a pas de toilette à une destination. Donc forcément, j'étais pissée derrière un arbre. Ou bien sûr, il y a la route à côté. T'étais pas très bien caché. Il y a l'autoroute à côté. Je me dépêche. Bah excuse-moi, on fait comme on peut. Ouais. Donc je me dépêche et tout. Et puis je vois quelqu'un passer qui se dirige vers le portail. J'ai fait putain, qu'elle se retourne pas, qu'elle se retourne pas, qu'elle me regarde pas surtout. Et elle s'est retournée. Et puis là, je regarde Océane, je fais. Bon oh, bah tu sais que je suis en train de pisser hein. Et oui, je sais pas si elle m'a vu de base. Je sais pas si tu m'as vu pisser. Si si je t'avais ah, vu super, super. Elle a continué à avancer, tu sais. Elle aurait pu reculer en mode non j'ai pas vu. C'est que en plus j'ai failli mettre le flash quoi. Bah, la lampe torche quoi. Bah oui. Histoire de dire mais qui est-ce. Et j'ai même pas pu finir de pisser. Ça m'a un câble. D'accord. Plus rien. Donc, bloqué à moitié un petit pipi. À moitié pipi. Ça m'a quand même fait du bien. Mais ouais, quand même, voilà, un peu d'intimité, merci. Bon, donc, revenons et sur quand même oui, que c'est le, la que dernière là, c'était une... Ah non, j'ai voulu reprendre. Quoi non, vas-y, je voulais dire que c'était une belle histoire, mais on va raconter nos histoires, mais non. Ah non, mais je voulais quand même... je sais pas ce que je voulais faire, mais... non, mais Océane, te mettre déjà devant... Viens avec nous, viens Océane. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Rien dans la caméra. N'aie pas peur, petite fille. Ah oui, tu peux prendre... Ah oui, le casque va pas jusqu'à nous. Non, il n'y en a pas un autre. On a un autre là, casque là, si tu veux. En arabe. Voilà. Viens. Moi, voir. Je peux déplacer mon gros viens cul avec mes 6 kilos en plus. Viens voir papa. Non, viens voir grand-père à cet âge-là. Peut-être. Est-ce que tu entends quelque chose dans ce casque? C'est pas sûr. Alors, si vous voyez, vous êtes peut-être sur indestar.fr. Non, sur Twitch. Non, elle est debout. Non, mais c'est bien de faire de la radio debout. Gain. Voilà, gain. Océane, tu as passé octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Il y a septembre aussi dedans. Ouais, mais ce matin, on n'était pas l'antenne. Ça fait 6 mois que tu es à la radio. Bon. Ça fait 6 mois. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? C'est que je préfère PK. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe d'Indestar de m'avoir accueilli. Non, oh, c'est gentil. Surtout oh. Théo et Teddy, qui n'est pas là. Ok, on part hein. Oh, je la voyais, je me regardais, je fais ah, bah, dire-moi. Bon, l'équipe Indestar, Théo et Teddy, c'est ce que tu retiens. Ensuite, tu veux te faire des ennemis avant de partir. Ouais, tout à fait. Après, je sais qu'il y a 3 jours de radio par semaine, mais j'ai pas beaucoup participé sur Starter. Parce que du coup, bah, c'est pas intéressant. Mais, bah, moi, vu que j'ai pas le permis, bah, moi j'y connais rien du tout. Oui. Ensuite, le mercredi, bah, il y a Actu Solite. Oui. Même si je vais pas repartir, donc y a, du coup, il y a Mel, il y a Naïs, Il y a Jolan. J'ai l'impression que t'as regardé l'inverse. T'as fait, il y a Amel, il y a Anaïs. Alors, on peut les confondre, mais... Non, mais bah quand même. Il y a aussi, il y a, oui, il y avait aussi Antoine aussi, Jolan, ouais, début, et Théo. Ouais. Donc, du coup, bah, je les remercie parce que du coup, j'ai passé des bons moments avec eux. Attention, elle va se faire taper sinon. Mais merci, bon, mais on attend le jeu. Mais. Elle préfère PK. Mais vu que je fais partie de la team PK le jeudi soir de 21h à 23h, je préfère un petit peu PK. Sale traître. Et alors, il y a qui un petit peu et donc, beaucoup. Dans PK, on retrouve Teddy, Kevin, Thierry, Linda, Daniel et puis moi-même. Tout à fait. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. Voilà. Alors, tu vas faire quoi, si c'est pas indiscret, Océane, dans la suite des épisodes? Et bah, justement, je pars déjà. Tu pars où? Je pars en Lorraine, à côté de Nancy. Lorraine. Tu pars en Lorraine, très beau, j'ai de la famille, ouais, en Lorraine, moi. Cool. Moi, j'ai une quiche. Coucou, ouais, tu l'allais dire, moi, je connais la quiche Lorraine. Non, mais c'est très beau, la Lorraine. Oui, c'est off. Non, mine de rien. Par contre, la quiche, je kiffe pas, hein. Ah si, j'aime bien. Ah si, une quiche Lorraine là. Ouais, c'est ce qu'il y a. Comme celle de mamie qui nous prépare le dimanche. Oh, yeah, yeah. Et en Lorraine, tu y vas parce qu'il y a ta grand-mère. Mes grands-parents, ouais, il y a ma tante, il y a mon cousin. Ah oui, il y a toute la famille, quoi, finalement. Tu peux arrêter de pousser mon siège? Quoi? Non, c'est mon pied qui fait bouger le siège. Ah d'accord. Et donc, du coup, ouais, je pars les retrouver parce qu'ici, j'ai pas beaucoup de famille, donc. Bah non. Et tu vas faire une grande carrière en Lorraine. C'est ça. Bientôt, vous allez avoir Océane chef d'entreprise en Lorraine. Exactement. Et voilà. Mais après, je sais que je vais pouvoir vous appeler au 09 70 407 306. Ce qui est bien, tu vois, c'est que. On l'a pas dit. En 6 mois. Non, mais alors déjà, on l'a pas dit de l'émission, mais c'est surtout qu'en 6 mois, Océane a retenu, alors que Teddy, ça fait 3 ans qu'il est là, il connaît pas encore le numéro. Bah, Amélie non plus, hein. Et toi, ça en fait 4. Non, mais c'est déjà, fou, je connais, ouais, le numéro de mon copain. Si un jour je tombe en panne, ou le numéro de ma mère, tu vois, c'est déjà bien. Et je connais, et pas, si le, je connais pas le numéro de la radio. Non, je connais pas le tien. Ah, là, là, ouais, tu connais le tien. Et quand tu m'appelles, il y a marqué Théo. Moi, il y a marqué, ouais, tout Théo aussi. Est-ce que je suis dans tes favoris? Pas du tout, je crois moi pas. Non plus. Oh là là. Alors que regarde, moi. C'est vrai, j'étais dans mes favoris. Vous savez que moi, je connais même mon numéro de sur la carte vitale, je connais par cœur. Je connais que le début. Ah, ouais, ça, je connais pas. Je connais que le début parce que c'est, quoi, je suis où, c'est marqué quoi, c'est pas... T'as vu la gueule que j'ai aussi là? Bah, c'est la tienne quoi. C'est parce la... que tu c'est la radio. Tout le temps, ça. Mais moi j'ai pas. Ah si, favori, j'ai mon mec. T'as que ton mec dans bah les. Bah oui, regarde, favori, mon homme. Ah ouais, non, mais moi j'en bah, c'est normal, hein. J'en ai plusieurs quand même, mais dont Amélie. Non, bah ok, attends, je te mets dans mes favoris. Oh. Moi j'ai personne dans mes favoris. Ah, ouais. Non plus. Parce que je connais personne du coup. Comment je fais pour. J'ai pas de. Du coup j'ai mis Bouygues Télécom dans mes favoris. Comment je fais pour te mettre en favori? T'as une petite étoile normalement. Ouais, il y a une petite étoile, c'est vrai. Vous êtes sur Android, il y a une petite étoile pour vous mettre en favori. Il vit Android. Ouais, oui. Et si vous êtes sur iPhone, je ouais, sais pas comment du coup, ça marche. C'est quoi la rubrique là maintenant? Et ben là. Oh, ouais, tu me casses les couilles. On se raconte des histoires, c'est ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure avec Osen qui nous raconte son histoire, sa vie, son œuvre. Ouais. Et son futur. Mais tu nous appelleras hein, évidemment pour prendre des nouvelles. On veut, oui, promis. Du coup, je vous appellerai au 09 70 407 306. Oui. Et c'est. Gratos! Voilà. Merci bien. Et bien sûr, vous aussi, vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306. Mais quand même, les gars, je tiens à dire quelque chose, c'est que moi, je regarde pas la feuille. Mais. Ah bah oui, sinon, ils ont l'anti-sèche, on est d'accord. Ah non, pas moi. Bon, Océane, tu restes avec nous pour la fin de l'émission. On a des histoires à bien se raconter. Sûr. Est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses? Telle est la question. Moi, j'en ai une aussi, une histoire. Par contre, Océane, si tu veux aller t'asseoir, t'en as marre d'être debout. Assis-toi à ma place, je vais chercher une autre chaise. Oh, quel adorable monsieur. C'est ça, les boss, les vieux. Les capitaines du navire. Non, non, c'est moi. C'est moi, t'as que tu solides, tu dégages. Ouais, quand même. Va chercher une chaise. Dépêche-toi. Moussaillon à la mer. Il faut savoir te faire respecter, hein. Jolan. Quoi? Commence ton histoire. Ah bon? Oui, je l'ai décidé ainsi. Ok, bon. Alors, ce samedi soir, la police nationale patrouille dans le centre-ville de Tours. Donc Tours qui est dans le 37, notre département. Voilà. Quand ils aperçoivent un homme ivre en train de l'interpeller, du coup la patrouille s'arrête et l'homme change de comportement. Il commence à les insulter. Donc la police nationale procède à l'arrestation du monsieur. Il l'emmène au poste et pendant sa procédure d'arrestation, il était tellement ivre et en colère que le monsieur a décidé, ou il a eu la mauvaise idée, de déféquer dans le commissariat de police. Pas cool. Est-ce ça que selon manqué, vous, c'est vrai ou pas? J'ai entendu que déféquer dans le commissariat de police, donc je ne sais pas. Moi, je dirais vrai. T'avais fini? Oui, j'ai fini. Moi, j'étais subjuguée par Théo qui changeait de place. Ouais. J'ai entendu déféquer aussi dans le non, vous m'avez pas écouté. Si, moi j'ai écouté. C'est un monsieur qui s'est fait interpeller et que du coup il l'a insulté, il l'a mis au poste, sauf qu'il était en colère donc il a fait caca. Il était en colère et ivre aussi. Oui, ouais. Ça peut aider pour. Caca. Déféquer, on va rester poli. Oui, oui, oui. Il est plus de 22h. Nous sommes civilisés. Le mieux c'est quand t'as la gastro, tu les arroses. Oh! Ça fait une giclée. Ouais, alors on voulait. Ouais, on dit le mot déféquer et après on parle de giclée. Tout va bien. Du coup, est-ce que cette histoire est vraie ou pas? Vrai. Ouais, vrai. Vrai, vrai, vrai. Moi j'irais faux. Ah, Océane dit faux. Eh bah, ben c'est vrai. D'accord. Merci. Bah, ça tombe. Il y a un mec qui a vraiment chié dans le commissariat de Tours. Mais ça arrive, hein. Ouais! Vous savez d'ailleurs que moi je travaille dans un magasin, je dirais pas le nom, mais je travaille dans un magasin. T'as dû le dire des où fois. Où tu fais des actions. Et en fait, il y en a un dans Est-ce un que magasin. Tu joues à Action ou Vérité? Non, il y en a un dans un magasin en fait qui a été dans la réserve. C'est pas dans mon magasin que ça s'est passé, c'est dans un autre magasin en Indre-et-Loire. Oui. Et il a été dans la réserve, en fait, il a vu une collègue partir. C'est un client est, ouais, il ouais. est re-rentré client ouais. et il a chié entre deux charrettes, il est reparti. Mais il doit avoir une envie pressante. Bah, excuse-moi, tu demandes des shots quoi, dans ce cas-là, genre en mode tiens, je vais aller chier derrière la porte. Pas le temps. Donc il a fait entre deux allées, évidemment, par les caméras de surveillance, ça s'est vu. Bah, sauf dans la réserve, je crois que dans la réserve, il n'y a pas de caméra. Ah, bah alors comment tu sais? Bah, parce que tu le vois rentrer. Ah, oui, tu l'as vu rentrer. Et tu te doutes bien que c'est pas nos collègues qui vont chier par terre. Et est-ce qu'il a été arrêté avant, après, genre à la caisse? Non, je crois qu'il s'est barré avant. Ah, merde. Oh, long. Pardon. Du coup, est-ce que je peux raconter mon histoire? Oui, non, je voulais juste savoir si t'avais d'autres anecdotes comme ça de magasins un peu glauques. Parce que, tu sais, moi j'ai regardé la série Superstore sur Netflix. Superstore. Ouais, il y a 6 saisons, c'est génial. Ah ouais? Superstore, c'est les quotidiens d'un hypermarché en Amérique. Je crois que tu nous en avais parlé. Ouais, et c'est marrant parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça quoi, qui arrivent au quotidien des clients qui font de la merde. Ouais, il y en a un autre aussi parce qu'on vend aussi des petits t-shirts à bas prix, tu vois. Ouais. Et il y a un gitan qui est rentré dans le magasin qui s'est dit tiens, il est pas mal ce t-shirt, il a enlevé son t-shirt, il en a remis un nouveau. J'aime ça, j'aime bien ça. Mais non, mais il a osé faire ça. Mais bon, il fait un troc. Tu sais que tu vois des trucs de fou, mais des fois on t'en raconte, t'es là en mode non, mais c'est pas possible. Après, il y en a pas qui me reviennent, mais. Ouais. Si t'as des petites anecdotes comme ça, tu feras. Vas-y. Info d'Amel, comme les infos d'Inès. J'ai vu une vidéo qui m'a vachement. On parle de débordement dans des magasins. J'ai vu une vidéo de deux femmes qui étaient voilées. Ouais. Beaucoup de religions musulmanes. Ouais. Qui se sont fait toper parce qu'elles avaient volé masse. Truc, ah, qu'ils avaient mis sous le ils avaient mis sous le voile pour pas se faire choper. Oh, d'accord. Et j'avoue, c'est bien, ouais. C'est bien pensé, mais elles se sont fait choper. Et puis j'ai trouvé ça humiliant, mais j'ai hésité. Bah, je me suis dit, bah, et moi, non, le vol, c'est le vol. Il y en a une véridique. J'ai été dans je un. Je me suis demandé si c'était pas une mise en scène, tu vois. Ah non, mais non, mais ça c'est possible parce que moi j'étais dans un magasin, j'étais en renfort dans un autre magasin. Alors déjà, je connaissais pas le magasin, c'était pas première journée, tu vois. Ouais. Et y a une meuf, elle me dit à l'oreillette Amélie, il y en a une, elle est en train de mettre deux colorations dans une coloration. Alors, c'est des colorations qui vaut 2-3 balles, tu vois. J'ai fait ok, d'accord, elle me fait bah tu la stoppes et tout, et tu m'appelles. Comment je vais la stopper et lui dire attends là. Et vous auriez pas mélangé deux colorations par hasard? Et forcément, elle passe à ma caisse. Ouais. Je regarde, je fais attendez, je regarde dans le pot de coloration parce que d'habitude il y a les pinceaux. Alors qu'en fait, dans nos colorations, vu qu'elle coûte 2 euros, tu vois, on vend pas les pinceaux avec. Non. Mais je savais pas. Alors du coup, j'ai dit attendez, je vais regarder s'il y a les pinceaux, machin. Parce que généralement, bah on nous les vole et tout. Ouais. Et je regarde, je fais c'est bizarre, vous avez deux colorations. Elle me fait ah bah ouais, peut-être et tout. Ouais. Je fais attendez, on va vérifier. C'est le kit d'or. Je fais tu peux venir à la caisse là? Elle est venue, elle l'a. Mais on l'a du coup incendié quoi devant tout le monde, genre qu'elle est la honte, une bonne fois pour toutes, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Et la meuf lui dit bon bah ça fera tant, elle me sort un billet de 50 balles. Quoi? Mais elle t'a payé 50 balles pour te rembourser les... Non, elle avait un billet de 50 balles alors qu'elle en a eu pour 6 ou 7 euros. Là, ouais. Et elle est pas capable de. Mais ouais. Mais c'est abusé quoi. Bon, c'est bon, je peux raconter mon histoire? Non, mais c'est oui. J'aime bien ces petites anecdotes. Moi j'en ai aussi une autre. Moi, on s'en fout. Moi, c'est une belle histoire d'amour. Mais c'est une belle histoire d'amour. On s'en bat les couilles. C'est une femme, tu vois, qui est complexée par ses petits seins. Donc, oui, c'est une omelette sur place, ce que tu veux, bouton moustique, tout ce que tu veux. Ok. Et du coup, elle est vachement complexée. Et pardon, elle fait tout. Elle dit que c'était moi. Ah non. J'ai dit ça glisse. Ah pardon. C'est son trop. C'est Anaïs. Elle est folle, elle. Et du coup, elle fait tout pour que ça paraisse toujours un peu plus gros. Donc, elle met des push-ups. Voilà. Donc, avec sa meilleure amie, elle va à la plage un jour. Et puis, elle enlève sa serviette, tu sais, la serviette enroulée sur ses seins, entre guillemets. Elle enlève sa serviette. Mais là, le haut du bikini, du coup, tombe. Ah. Sauf que les faux seins tombent en même temps. Tu sais, genre les trucs de silicone, ils tombent en même temps. Oh, non. Et en fait, il y a un homme, il était tellement mort de rire, forcément, il était à terre, tu vois, genre gros fou rire, forcément. La meuf, elle a juste à peine le temps de mettre son bikini. Elle relève le mec, ils passent les vacances ensemble. Une semaine après, ils se marient. Oh, c'est mignon. Mais non. On sait. Ah, c'est... j'espère que c'est vrai. Est-ce que moi, vas-y, c'est vrai parce que c'est une bonne histoire. Ouais. Jolan. Ouais, non, faux. C'est un peu tiré par les cheveux. Et bah non, c'est vrai. Bah oui. Ah, d'accord. Eh, c'est mignon. Et je trouvais ça mignon, je me suis dit, allez, bah oui, j'avoue. C'est comment mignon. Tu l'as rencontré, ta femme? Oh, elle a fait tomber des silicones sur la non, en vrai, elle a fait tomber ses seins. Mais moi, en vrai, moi, je crois que je m'écroule de rire comme le gars. Quoi. Bah pareil, tu vois une scène comme oui, ça. La mais... situation. Sinon, je pense que le pire des trucs que je ferais, c'est je prendrais la serviette, je la planquerais, tu vois, quand même, genre ouais. Histoire. Ramasse tes nibards là. Planque tes tétons, tu vois, on dit même plus les seins, on dit tétons. Moi, je le ramasse, je dis tiens, c'est, je crois que c'est à toi. Et forcément, bah, tu éclates de rire, t'es obligé d'éclater de rire. Oui, Et voilà. Pas mal, pas mal. C'est, ouais, c'est ouf comme histoire, quand même. Ouf. Bah, qui, elle non, a qui, perdu ses seins, quoi. Non, mais qui se marie. Enfin, la rencontre, elle est improbable. Surtout une semaine après. C'est vrai que tu racontes à tes enfants. Dis que papa, maman, vas-y te rencontrer comment? Voilà, c'est ça. Alors, maman, elle a fait tomber ses seins. Papa, il l'a ramassé. Il a dit. Il a juste invité au resto. Pas mal. Anaïs. Alors, moi, c'est pas vraiment une histoire. Ah c'est bon plutôt. Bah, si c'est vrai, ça peut être dû une culture générale. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Mmh. Je pense que c'est vrai. C'est un le saviez-vous, quoi. Le saviez-vous? Ouais, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que c'est vrai. Alors, sur l'île de Marajó, au Brésil. Marajó. Les policiers, bah là-bas, ils ne montent pas des chevaux. Ils montent des buffles. Des buffles. Ah ouais. Et il faut savoir que là-bas, il y en a plus. Enfin, il y en a des centaines de milliers. Faut vraiment le savoir, ça? Hein? Non, tu dis, faut le savoir. Je dis, ouais, est-ce qu'il faut vraiment le savoir, ça? Bah, c'est qu'il y en a beaucoup. Ouais, oui. De la ta culture générale, hein. Ouais. Parce qu'ils peuvent s'infiltrer un peu partout, tu vois. Mm-hmm. Oui, c'est comme de l'eau. Pardon. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai qu'un buffle, ça peut passer à travers une fenêtre. Même à mur. Moi je dirais faux. Alors moi, je. Tu as dit où? À Madrid? Non, Brésil. Au Mexique. Brésil. C'est exactement au même endroit. Au Brésil. Ouais, au Brésil là. Sur l'île de Marajó. On s'entend plus parler, merci. C'est vrai. Donc moi, c'est vrai. C'est faux pour c'est moi. Vrai. Ouais, c'est vrai. Moi je dirais faux. Vrai. Et bah c'est vrai. Bah oui. Allez, merci. T'as tout faux, Jolane. Et il s'avère que la vallée est un endroit difficile d'accès. Oui. Et pour info, il y en a 350 000. C'est beaucoup. Mais c'est pas un tout terrain, un buffle, c'est un animal. Je veux dire. Non, c'est le flic ouais, qui dit. Je pense que c'est surtout par rapport aux grosses cornes. C'est un animal tout terrain. Ou sinon, c'est attends, il y a une barrière. Pas grave, foncez dedans. Voilà, c'est ça, il est. Et au pire, il. C'est une Amélie en animal. C'est ah. Ça. Une bufflette. Une bufflette. Une petite bufflette. C'est mignon en même temps. Une petite biffe, pardon. Non, non, non, oh, désolé. Oh, grave-leux. Il a dit quoi? Ah, j'ai pas sous un tunnel, ça a coupé. Ouais, ça il a dit quoi? Il a remplacé le U de bufflette par ouais, un I. Ouais, c'est. Elle a pas compris. C'est pas classe. Bon, non, mais c'est rien, vraiment. J'y ai pensé c'est aussi. Vraiment. Mais vous êtes vraiment nuls. Hein. Non, ouais, c'est vrai. Hein. Non, nul, mais hein. on est obsédés. Naxi. C'est qui ça? Bah, c'est un DJ. Ah. Naxi, il aime bien remixer des chansons. Mais je croyais qu'elle avait une histoire aussi. Ah, t'avais une histoire. Oui, j'avoue, elle l'a dit tout à l'heure. Caché, t'as qu'à écouter. Non, mais Naxi arrive après l'histoire de Océane. Ouais, ah, comment ça. Il se rattrape. Trou de cul, hein. Alors, Océane, tu as une histoire et une belle histoire à nous raconter, vas-y. Ah, mais en fait, c'est pas du tout avec ton cul. Faut savoir Amel que Amel s'est fait des tatouages, donc c'est pour ça qu'elle mais non, mais c'est plus au niveau de ma chaise. Mais putain, vocale les boîtes là. Écoutez, voilà, Océane. Alors en fait, c'est une histoire vraie ou fausse. Oui, le principe. C'est que en fait, il y a un monsieur qui vient dans un restaurant genre gastronomique et tout. Pardon. Mais putain, je voulais vous gommer à la sortie. Mais qu'est-ce que t'as fait déjà de gommer de quoi? C'est moi qui vais te gommer, frère. Tu vas plus exister. Écoutez l'histoire d'Océane, s'il vous plaît. Non, je reprends. C'est un monsieur qui rentre dans un restaurant gastronomique du coup avec sa femme et qui veut manger pour deux. Donc le serveur, il les installe à une table et tout. Il mange l'entrée, le plat, etc. Et le monsieur, il commande un dessert, une mousse au chocolat. Et la dame, c'est le café du pauvre. Une île flottante. Oh, putain, le monsieur commence à manger sa glace. Il va aux toilettes. Et ensuite, il revient et il voit qu'il a une tache au niveau de sa chemise. J'ai renversé du café. Ah, c'est gênant. pourri. Vous rigolez tous pour le café du pauvre, là. Mais oui, je... Elle était bonne, celle-ci, quand même. Et donc, du coup, le monsieur, bah, il fait quoi? Bah, il prend le... En fait, il prend le... Désolé. Hein. J'espère que vous avez suivi tout à l'heure, parce que... Le mec, t'imagines, il arrive... Pourquoi il rigole si gros? Ah, une bonne pépa. J'ai cherché la définition du café du pauvre. Oui. Alors... Sa chemise, une tache. Une tache, oui. J'ai mal au ventre. Je pleure. J'ai la bouillie à l'œil. Excusez-nous, hein, messieurs, dames. Donc... J'ai pas son voyage. Oh, le rire de cochon. Oh. C'est toi, la cochonne. Oh, oui. Oh, le monsieur avait une tache sur sa... Sur sa chemise, donc c'est le café de le monsieur. Et donc, du coup, il prend et il lèche son doigt. Mmh. Et du coup... C'est ce qu'on fait habituellement quand on a une tache, hein. Oui, c'est ce que je fais en plus. Ouais. Zéro gaspille. Moi, tant que le tissu l'a pas absorbé, je mange. Et il s'avère que c'était de l'excrément. Oh, à chaud. Ça me dégoûte. Mais attends, il s'est combien il a pu chier sur sa chemise? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, je dirais vrai. Moi, je dis vrai. Bah, je dis que c'est faux, moi, parce qu'il était en train de manger comme il a fait. C'est la mousse au chocolat. Et pourquoi il aurait eu de l'extrait? Alors, par contre, ça a la même texture, on va dire. La même couleur. On peut confondre. Non, ça a pas la même texture. T'as dit que t'as touché du caca? Mais putain, tu as me laissé parler, putain. T'as dit que la femme avait pris une dessert en mousse au chocolat. Une île flottante. Non, c'est le mec qui a pris. Allez, t'as qu'à écouter, toi. Une mousse au chocolat. C'est lui qui a pris la mousse au chocolat. Du c'est peut-être possible. Il pensait que c'était la mousse au chocolat. En fait, c'était pas de la mousse au chocolat. Je pense que c'est une vraie histoire. Exactement. Je pense aussi, ouais. Ça, c'est vraiment pas c'est chaud. Vrai. J'ai envie de péter en plus. Oh. Super. Et sachant que Et sachant que du coup, les personnes. Elles fêtaient leurs 50 ans de mariage. Mmh. Donc, les noces de. Bah, tu t'es, tu bouffes, hein. Mais voilà, tu fais rien. Sachant que le restaurant, c'est un restaurant gastronomique à Paris. Ah ouais, en plus. Ah, ouais. Non, attends, parce que la mousse au chocolat qui était dans la mousse au chocolat, c'était de la vraie mousse au chocolat? Oui, ouais. Alors pourquoi il avait. Non, un restaurant gastronomique, bah, ça va être de la merde. Mais attends, pourquoi il avait de la merde sur son t-shirt, le mec? Et bah, je pense qu'il a dû avoir la gastro ou ça a giclé partout. Quoi? Oh non. Oh, c'est pas chou, ça. Non, c'est pas chou. Ah, c'est... Donc, du coup, on sait pas comment ça gérait. Il croyait que c'était la mousse au chocolat. En plus, il dit, elle est très très bonne, mais elle a un petit arrière-goût. Oh, merde. En fait, c'était pas de la mousse, c'était... Du coup, c'est comme quoi, tu vois, on peut remplacer la mousse au chocolat par autre chose. Ça doit se voir, quand même. Parce que, par exemple, moi, quand je mange du maïs, je chie du maïs, tu vois. Donc, forcément, une glace au chocolat au maïs, c'est pas fou, quand même. Ah oui, mais imagine... Tu chies pas des pop-corns? Non. Mais imagine, le mec... Cachy. On est désolé hein, parce que c'est pas très classe. Mais il avait mangé de la mousse au chocolat. Du coup, ça refait de la mousse au chocolat. Oh. Mais non. Bah, t'as dit que quand t'étais du maïs, ça voyait du maïs. Donc c'était à manger de la mousse au chocolat. Mais parce que vous avez jamais remarqué. Regardez, écoute, on va faire une expérience. Non, pas cette expérience. Demain soir, vous mangez tout du maïs. Non. Et vous me dites tout demain matin ce qui se passe. Après demain matin, ce qui se passe aux toilettes. Non, moi je vais le soir même généralement. Oui, bah. Non, et moi franchement, j'ai. Oh. Non mais je peux vous dire, je me suis limite inquiétée parce que ce matin j'ai fait caca 3 fois. Mais y a des et limite j'étais en mode putain je me vide. Alors ce qu'on va faire c'est que tu vas continuer de raconter ça en antenne. Et puis pendant ce temps là on va écouter Maxi, d'accord? On va aller se vider en antenne hein. Petit remix de Gangsta Paradise. J'aimais bien faire les caca moi. Vous vous rappelez? L'instant de l'instant light et ma chanson feel alright. Tu vois? Non. Bah c'est ça. Trop jeune. Oh, non. Ah si, c'est bon, ça me dit quelque chose. Bah oui, carrément. C'est le remix, c'est maintenant sur Indestar. Yes. Qu'est-ce qu'on est jeune. Vous avez encore 5 secondes. Ouais, et bah après, on a une enquête à finir et à résoudre. Alors, les secondes. Actu solide, 21h, 23h le mercredi, uniquement sur Indestar. C'est une menteuse, la dame. Oui, elle dit 23h. Ouais. Et ben, il est 23h dans 2 secondes. Là, il est 23h. D'accord. Publicité mensongère. Ouais. Bienvenue sur Indestar, il est 23h. Bonne soirée, tout le monde. Qu'est-ce qu'on a ce soir? On a. Actu solide sur Indestar. Indestar de 21h à 23h et 15. Même un peu plus parce que ce soir il y a une enquête à résoudre. Et c'est quoi l'enquête? Faut savoir qui a tué Suzanne. Suzanne a été Suzannée. Qui a tué Suzanne? Pour quel mobile? Et attends. Avec quelle arme? Et du coup, on sait déjà pour le premier jeu qu'on a fait, on a eu bon et on sait que c'est parce que elle voulait récupérer la gestion du restaurant. Non, du parc. Et c'est à cause du restaurant caca. Là, ça t'a perturbé, je oui, crois. C'est pour ça. Du parc, et l'arme qui l'a tué, c'est une hache. Ok. Ah non, il ne reste plus qu'à découvrir qui l'a tué. C'est un marteau. Non, c'est une hache. C'est une hache. Ouais, non, c'est une... parce que ça l'a rendu marteau, il a dit. Ouais, c'est on va mais dire c'est une hache. Un marteau, c'est un peu faible. Je dirais une masse, moi. Ah, une masse. Tu vois, une masse. Tu vois. Parce que d'ailleurs, elle avait dit, je suis un peu la masse, je crois. D'ailleurs, je peux non, vous raconter. Non, t'as dit, je suis marteau. Je peux vous raconter une petite histoire de hache, la vite fait. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Chez mes parents, j'étais on avec. On a une enquête, bordel. Ta gueule. J'étais avec Antoine. Et ma chienne avait commencé à tuer des poules. Et nous, on est sortis dehors en mode ah putain! Et il y avait une poule, genre elle souffrait de fou. Mmh. Elle avait les pattes de cassé, mais elle pouvait plus marcher, elle avait plus de plumes, elle avait du sang partout. Mmh. Elle vivait encore, forcément. J'appelle mon père avec mon frère. Et mon père, il nous a dit bah, il y a qu'une chose à faire, c'est abréger ses souffrances. Genre, on peut pas la laisser souffrir. Ouais, bah. Y a pas Antoine qui prend la hache, quick. Qui va lui foutre un coup. Il se trompe, raté, la poule elle m'a regardé en mode je peux pas là, c'est pas possible. Alors du coup je suis rentrée. Mais parce qu'il se trompe, c'était la bonne poule quand même. Mais oui, non, mais oui. Elle était à terre, mais c'est qu'en fait il a levé la hache, ouais. Il a voulu la descendre, ouais. Sauf qu'en fait il a pas touché le coup. Alors forcément elle m'a regardé en mode Et vous savez qu'Amélie m'a déjà donné un coup de marteau. Ah, c'est pour ça que t'es complètement con. Et non, sur le doigt. Et ça t'a rendu marteau ou pas, non? Ouais. Ah là là, tu sais qu'elle vaut pas un clou cette Amélie. Ah, j'imagine la tête de la poule. J'ai été marteautifié. Amel, j'imagine la tête de la poule en te disant, bah en fait, je suis dans la merde. Mais non, justement, regardez, moi, t'es après. Mais instant. Bon, allez, direction le Digger Park en Angleterre où il y a Suzanne qui est morte et il vous faut retrouver qui a tué Suzanne. C'est parti. Bon, bah. Bon, ce serait bien qu'on trouve qui a tué Suzanne quand même. On est là pour ça. Ouais, il y a encore des tracteurs là-bas avec des pinces au bout. Je crois que c'est les stack-attack. Les quoi? Le stack-attack. Ça s'appelle le stack-attack. Et il faudrait qu'on trouve Matthew. Matthew? Matthew? Bonjour, Matthew. Oh toi non, moi c'est Harold. Ah. Matthew est plus loin là-bas. Ah, merci. Ah. Matthew? Hello, girls! Bye. Oh, moi c'est Dan. Matthew est là-bas, là, vous le trouverez là. Thank you, good day. Very good day. Matthew. Hey, where is Matthew? I'm Jay. Ah, va nous faire la ah bah c'est pas toi les... qu'on veut. On cherche Matthew. Il nous fait Matthew. La même chose qu'avec les prostituées. Il est là-bas. Excuse me, where is Matthew? Ooh, Matthew. Matthew. Oh yeah, bye-bye, Alexander. vous cherchez Matthew? Oui, oui. Ah, yes. Matthew est de là-bas, là. Thank you. Il est là-bas, là-bas, là. Ça doit être là-bas, là-bas, là-bas, là. Matthew? Oh, my name is Richard. Oh, putain, mec. Ils sont combien dans ce putain de chantier, bordel? Matthew est là-bas. Thank you. Have thank a good you. Day. Matthew? Oh, yeah. Ah, youhou. C'est Matthew. Lequel que vous cherchez, il y en a deux. Hey, vous savez quoi? Je ne suis pas une pince. Parce qu'en rapport avec la... Ah là là, je la sors tout le temps, celle-là, rapport à l'attraction. Bon, vous savez que je suis un blagueur maintenant. Ah, hey, il y a Pince-Me et Pince-Moi qui sont sur un bateau. Hey. Pince-Me, tombe à l'eau. Qui Pince-Moi J'en ai d'autres comme ça qu'il faut que vous trouviez. Allez, vous êtes prêts? Hey, les autres, ça sera pas du Pince-Me ou Pince-Moi. Alors, ça m'a fait mal. C'est pas moi. Quel mois de l'année a 28 jours? Février. Bah tous hein. Tous les mois, bravo. Pourquoi t'as dit que février toi? Ouais, parce que février c'est l'année bissextile. Qu'est-ce qui doit être cassé avant qu'on l'utilise? Hein? Un œuf. Un œuf. Oh, putain. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Tu sais que j'y ai pensé, j'ai hésité à le dire mais. Bien sûr. Qu'est-ce qui est plein de trous, mais qui contient de l'eau? Une passoire. Un arrosoir. Pardon. Une passoire. T'as pas une passoire? Pour faire la vaisselle. Bon. Une éponge. Ah, une éponge, ouais. Qu'est-ce qui voyage dans le monde entier tout en restant dans un coin? Le globe. Non. Il y avait sur un globe, c'est rond. Hein. Une valise. Les M&M's. C'était un timbre. Ah, ah dans un coin, putain, oui. Bah, merde. À quelle question on ne peut jamais répondre oui? Tu non. Veux me baiser? Vas-y, je fais ça tout à l'heure, Steve. Par contre, ça se passe dans le même endroit. Dans le lit? Bah oui. Bah, quoi? Ah oui, à quelle question on ne peut jamais répondre est-ce oui? Est-ce qu'on dort debout? Et est-ce qu'on dort tout simplement, oui. Ah. Je vous suis, tout le temps et copie vos mouvements. Pourtant, vous ne pouvez... L'ombre? Bah oui, elle connaît déjà. On dirait que vous êtes taquée. Merci TikTok. Allez, une petite dernière. Les parents de Pierre ont 3 enfants. Paul et Bill. Quel est le nom du troisième enfant? Pierre. C'est Pierre. Ouais. Merci TikTok. Alors, ouais, je vois pas le rapport. C'est quoi TikTok? Parce qu'il y a plein de blagues comme ça aussi sur TikTok. D'accord, moi je mange des TikTok aussi. Bon, vous avez le spirit de la déduction. En tout cas, c'est good. Vous allez sûrement trouver pourquoi et avec quoi Suzanne a été tuée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est Olivia qui l'a tuée. J'en mettrai ma main à couper. Parce qu'Olivia, c'est la femme de Doug, le collègue de Jack, qui s'est électrocuté l'année dernière. Enfin bon, on dit électrocuté, my eyes, ouais. Hein. C'est sûr que c'est Jack qui l'a tué et sa femme s'est occupée de Suzanne. Il y a du mouvement à Diggerland. Hein. Bon, passez une bonne soirée. Merci. Ah, ciao, bonsoir. Comment on dit chez vous? On dit... Au revoir. Au revoir, c'est bien ça. Ciao. Très bien. Ouais, bah faudrait qu'on retourne voir le trou du cul là-bas, je sais pas comment il s'appelle. Moi c'était où? Non. L'autre trou du cul là. Quoi? Qui nous a missionné? Bah c'était moi qui vous ai missionné. Ah. Rappelez-vous. Est-ce que vous pouvez enlever le bruit de chantier parce oui, que c'est chiant, là, si vous pouvez retourner chez nous. Ah voilà. Merci de retour dans le studio évidemment. Alors, est-ce que vous avez les indices? Oui. Yes. Que je puisse faire remonter tout ça à la police locale. Le mobile est le suivant. Ouais. Oh, je dois le redire. Oui. Bah oui. Alors, elle voulait prendre la gestion du parc. Ouais. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait la prendre aussi, qui l'a fait assassiner, qui l'a tué. Ouais. Ouais. Pour justement reprendre la gestion. Parce d'accord. Qu'elle est morte du coup. La jalousie quoi. Hein. Ok. Ça. Avec quoi? Un marteau. Une masse. Masse marteau. Okay. Et qui l'a tué? Olivia. Olivia. Olivia qui est donc la femme de la collègue de Jack. Et Jack a été aussi assassiné. C'est-à-dire il y a le couple complet qui a été assassiné. Hein. Mais bon, on n'a pas de preuves pour Jack. Parce qu'en fait... Qu'est-ce qui se passe, Océane? Oui, elle joue au transat. Mais... Oui, mais elle mettait le micro juste à côté pour que vous puissiez entendre le bruit. Ah, le bruit de la chaise. Attends, il y a ASMR de la chaise. Ah oui, ça grince un peu. Ouais. Un peu de WD-40. Ou autre chose. Ou autre chose. Mais on est quand même sur une enquête sérieuse, pas mesdames de et messieurs. Coude. Donc, vous me confirmez vos indices. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller remonter tout ça à la police locale. Ouais, moi, c'est confirmé. Hein. Ah, c'est confirmé. Alors, attends, je tape le Minitel, s'il te plaît, fais voir. Tiens. 3615 police. Clac, clac. Alors, la masse. Clac, clac, clac, clac, clac, clac. Nokia 3310. Olivia. Non, c'est plus vieux. Olivia. Et à l'expérience, d'accord, clac, clac, clac, clac, j'envoie. Non, ça c'est internet. Ah, effectivement, le commissaire en chef, monsieur McDouglas, me dit que ça serait bien des bons indices. Ils vont enquêter évidemment pour vous confirmer. Est-ce tout qu'il ça. Il y aura peut-être l'ADN sur la masse, le marteau, là, je sais pas quoi là. Ah, bah c'est vrai que ça c'est une bonne idée. Je vais leur. Attendez, 36, 15 police. L'ADN et tout. ADN. Et faut regarder sous les renseigner. Ongles de Suzanne, même peut-être qu'elle a mordu, peut-être qu'elle l'a griffé. Tu pourrais être enquêtrice, toi. Hein. Merci. Bah, elle a pas eu besoin de la mordre, elle lui a cogné avec une masse. Sait-on jamais, peut-être qu'avant elle a fait. Ouais, peut-être. Il y a peut-être des vidéosurveillance aussi, vu que ça. Ah, c'est une. Alors, vidéosurveillance. Le rapport est long, je suis désolé. Mais peut-être un témoin, hein, tout simplement. Ah, un témoin. Ah, il va être long, mon rapport. Attends, je sous-signe. D'accord. L'équipe Actu Solite, Amélie, Anaïs, Jolan. Et oui. Un avion. Et Océane. Très bien. J'ai envoyé le rapport. Mais apparemment, on aurait. Vous auriez trouvé. Voilà, bravo encore une fois. Il n'y a pas une musique du record. Ah, est-ce gagnage. Qu'on aura la petite musique de gagnage? Ouais, musique wow. Des Sims. De gagnage. Elle a l'ambiance à ouais. Fond. On invente des mots, hein, toujours. Content d'avoir gagné, Mimi. Content d'avoir gagné. Nouvelle enquête la semaine prochaine, bien évidemment, dans Actu Solite. Mais avant, il y a plein de choses qui se passent sur Indestar Océane. Il se passe quoi demain? Demain, PK. PK. On retrouve évidemment Teddy, Kevin, Thierry, Linda, Daniel et normalement moi. Comment ça? Tu seras là? Normalement non. Bah du coup, non, je serai pas là. Ah oui. Mais je serai avec eux au téléphone. Oui, tu seras là par l'esprit d'apprentissage. Okay. Après, on a le petit week-end. Ah non, pas que. Il y a vendredi la maison et le jardin. Exactement. Qu'on belle devait émission. Faire. Normalement, qu'on devait faire vendredi dernier. Et oui. Et pourtant, il y a eu un anniversaire qui a tout supprimé. Mais c'est ça. Si vous avez. Font chier aussi de notre restaurant. C'est vrai. Là, c'est vrai. Mais vendredi. Ah, c'est le tien. Ouais, on n'a même pas été convié. Non. Bah non, mais moi non plus. Enfin, si j'étais convié, mais par surprise. Bon, c'est une blague. Bah, on n'a même pas été convié à son anniversaire. Et là, il va falloir qu'on remédie à ça. Honte à vous. Mehdi! On t'a eux! Faut qu'on te remette. Alors, donc, Je suis choqué! Ouais, moi, elle me choquait aussi. Et hein. C'est vraiment des cons. Ouais, moi, mais grave! Je suis d'accord avec toi. Alors, je disais quoi ? Oui, que vendredi, émission Maison et Jardin. Week-end, musique. Lundi, Starter avec Théo et Teddy. Et mercredi. Et mercredi. Il y a Actu Solite que ouais. Franchement, je les aime pas beaucoup. La sortie est là-bas. Et coup, on retrouve Amélie, Anaïs, Jolan, Théo. Et cette fois-ci, elle nous a même pas regardé. Et moi par téléphone. Oh non ! On l'a raccroche au nez, Rana. C'est pas sûr que ça décroche. Tu sais, je peux dire, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. T'as vu, papi ? Tous vos appels seront les bienvenus, mais pas celui d'Océane. Tu es blacklisté. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on fait une petite chanson pour dire au revoir ? Goodbye, my friend. Non, non. Guitare, Jolan. Ce n'est qu'un au revoir, Océane. Allez, derrière toi, la guitare. Ce n'est qu'un au revoir, Océane. Ce n'est qu'un au revoir, Océane. Ce n'est qu'un au revoir, Océane. Océane, c'est comme la mer, t'es comme une vague. Dans l'émission le mercredi, Océane, on te prie d'arriver dès le début. Mais tu pars loin, la vague s'en fait. Loin de là, tu nous manqueras. Océane, c'est pas fini. Océane, ne pleure pas, tu vas pisser au lit. Et ça rime. Océane, merci. Océane, je t'en prie. Prends un mouchoir. Non, ce n'était pas le radeau. J'imagine qu'elle... Et Océane, ce bateau. C'est vraiment qu'elle est vraiment sensible, parce que chanter pour... pleurer pour une musique de merde comme ça... Quoi ? Mais c'est pas une musique de merde, c'était de l'impro. C'était de la merde. Ouais. L'impro, ouais. C'était de la bouse. Va, du fécal. Oh. Ouais, mais c'est l'intention qui compte. Exactement, c'est l'intention. Pas la qualité, heureusement. Lèche-cul. J'ai dit pas la qualité. C'est vrai qu'elle en pleure, la pauvre. Ah oui, tu lui feras un câlin. À bientôt, Océane. Merci. On va lui faire un des câlin, bisous, la collective. Et des bisous à tout le monde. Parce et puis bisous, vous dit, à la semaine prochaine. On vous à embrasse. À la semaine prochaine. Bah bah, et revenez nombreux. On va aller manger. Ah bon ? Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.